Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, la radio libre et locale. Locale et libre, comme vous voulez. Est-ce que c'est libre qui est plus important ou local? Moi, je pense que les deux sont importants. Oh oui, oui. À votre service, à vous de décider. Alors, le programme de ce soir, de ce calendrier des esclavages et des libérations, eh bien, Alexandre Léaumont, la France Insoumise, Mélenchon contre Zemmour. Ensuite, le même, Pécresse veut baisser les salaires. Pécresse veut baisser les salaires. Eh oui, vous avez bien entendu. Enfin, ceux qui voteront pour elle, hein, ma foi, après, il faudra pas qu'ils viennent se plaindre. Hein. Eh oui, ceux qui ont voté pour Adolf Hitler en 1933, ils se retrouvent avec une guerre mondiale, 60 millions de morts, etc., etc. Et, ben oui, eh ben, voilà, faut réfléchir avant. Après, c'est trop tard. Et on pense toujours qu'un billet, un bulletin de vote, c'est un petit billet, un petit papier qui n'a pas beaucoup d'importance, un petit rectangle de papier. Oh, si moi je viens me tromper, je vote mal, le voisin va peut-être compenser en votant mieux. Hein, voilà, c'est un peu la loterie, vous comprenez? Oui. Attention, chaque bulletin de vote compte. Et peut avoir des conséquences extrêmement dramatiques. Le média, comment Macron veut trafiquer son bilan? Le racisme prépare la violence. Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi je rallie la campagne de Mélenchon?

le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il donc passé le 13 décembre ? Par exemple, le 13 décembre 1869, en Autriche, pour la première fois, le mouvement ouvrier se présente comme une force organisée. À Vienne, 20 000 personnes rassemblées devant le Reichstag réclament le droit de coalition, le suffrage universel et la liberté de la presse. En Autriche, en 1869. Hein, voyez, si les choses s'étaient passées bien, ce que ça aurait changé pour l'avenir. L'avenir de par rapport à cette époque-là, c'est-à-dire le passé par rapport à nous et le présent, et peut-être notre avenir aussi, parce que les périodes s'enchaînent et parfois se ressemblent. 1919, Espagne. Le lockout dans le bâtiment à Madrid. Lockout, est-ce que c'est un mot espagnol, lockout ? Je ne sais pas, faudra regarder. 1962, France. Les banques inquiètes de la pénétration syndicale dans l'entreprise Nerpic à Grenoble refusent de prêter de l'argent. Le directeur Dagallier, ne voulant pas rompre les accords du 9 janvier, est remplacé par le PDG d'Alstom, principal actionnaire. Celui-ci dénonce ces accords et laisse prévoir des licenciements. C'est leur arme suprême, le licenciement. Enfin, suprême, non. Ils sont capables de bien pire. 1968, Brésil. Par l'acte institutionnel numéro 5, le régime répressif de sécurité nationale se radicalise. 1970, Pologne. À Gdańsk, les ouvriers des sections S2 et S3 sont en grève. Ils envoient une délégation demander des explications sur la hausse des prix au siège régional du parti. Parti communiste. Non, c'était pas le Parti communiste. Ça revenait un peu au même, hein, en Pologne à l'époque. Mais depuis, la Pologne est entrée dans l'Europe, dans l'Europe de l'Ouest, avec tous les avantages que ça comporte. Et oui, et tous les inconvénients. 1971, Afrique du Sud, dans les mines, 20 000 ouvriers immigrés noirs débrayent. Ils bloquent l'industrie, ça commence pareil, mais ça veut pas dire la même chose, industrie et injustice. Voyons, allons. Ils bloquent l'industrie et les transports. Ils remettent en cause le système de contrat de travail de l'immigré et le contrôle policier. Répression et arrestation massive. Déjà, encore. Et toujours. 1973, Namibie, l'Assemblée générale de l'ONU, Organisation des Nations Unies, reconnaît le SWAPO, Organisation des peuples de l'Afrique du Sud-Ouest, comme représentant authentiquement le peuple namibien. Faudrait faire jouer son rôle à l'ONU. On se porterait tous beaucoup mieux. Tous les pays et tous les citoyens de tous les pays. Ça irait beaucoup mieux si l'ONU fonctionnait correctement, si on faisait fonctionner l'ONU. Comme l'ONU le mériterait et comme on le mériterait, comme nous le mériterions. 1981, Pologne. Le piège mis petit à petit en place par le pouvoir se referme sur solidarité. Dans la nuit, une junte rouge de 15 généraux et de 5 colonels proclame l'état de siège. Gdańsk, où sont réunis les responsables de solidarité et quadrillés par la police, et les tanks. Les 350 000 hommes de la milice et les 320 000 hommes de l'armée et 3600 chars sont mobilisés. Le conseil militaire peut arrêter tout citoyen et le détenir pour une durée illimitée. Des milliers de militants de solidarité vont se retrouver en prison. Faudrait pas répéter ces choses-là parce que ça pourrait se répéter. Autrement, ailleurs, à d'autres occasions. Oui, mais voilà. La force reste la force. La brutalité. Aussi. 1982, Brésil, pour avoir tenu une réunion illégale. 84 personnes, dont les dirigeants du Parti communiste brésilien, sont arrêtées par la police à São Paulo. Un signe que certains milieux militaires sont inquiets des résultats des élections du 15 novembre. Alors, est-ce qu'en France, les militaires sont inquiets du résultat des élections présidentielle, l'avenir, et comment risque-t-il de réagir? Ben non, on est en démocratie, nous, hein. 1984, Iran. Le journal Kayan de ce jour rapporte les propos tenus par l'ambassadeur de la République d'Iran à l'ONU, à la Commission spéciale des droits de l'homme. Deux points, ouvrons les guillemets. Nous n'avons pas la prétention de respecter les principes des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme et ses annexes ne nous concernent absolument pas. Notre but est de suivre les principes de l'islam. Nous croyons que les peines de mort et les autres châtiments islamiques ne peuvent être considérés comme des actes de torture. Ça, c'était en 1984 en Iran. Voilà, toute ressemblance, etc. Voilà. Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 5 décembre, j'étais l'invité de CNews pour parler du meeting de Jean-Luc Mélenchon et du meeting d'Éric Zemmour qui avait lieu le même jour. J'ai parlé dans cette émission des deux visions du monde qui se sont opposées à l'occasion de ces meetings. Je vous laisse regarder cette émission et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Bonsoir Antoine Léaumont, merci d'être avec nous ce soir. Quelle vision vous avez de ces deux meetings qui se sont tenus aujourd'hui à quelques heures d'intervalle, celui de Jean-Luc Mélenchon et celui d'Éric Zemmour? Bah écoutez, clairement, on a deux visions de la France. Il y a celle de Jean-Luc Mélenchon qui est une vision de rupture avec l'ordre établi. Il a proposé la 6e République, il a proposé l'augmentation du SMIC à 1 400 €, il a proposé la retraite à 60 ans, il a proposé la planification écologique et la sortie du nucléaire. Bref, une rupture avec l'ordre établi macroniste. Et puis en face, il y avait Éric Zemmour qui enfin a commencé à développer son programme. Et on le voit, en fait, c'est un programme de droite très traditionnel avec il parle de baisser les cotisations. Mais or, ce que ne dit jamais la droite, et ça c'est l'un des sujets sur lesquels il faut maintenant l'attaquer fermement, c'est que baisser les cotisations, ça revient à baisser les salaires. Parce que les cotisations, c'est du salaire différé, c'est du salaire socialisé, c'est ce qui permet notamment de financer notre modèle social et notre sécurité sociale. Donc si la droite veut défendre avec Éric Zemmour ou Valérie Pécresse la retraite à 65 ans, la baisse des salaires avec la baisse des cotisations, eh bien qu'ils le fassent, mais nous allons les affronter dans les urnes et je pense que les Français choisiront ce qui est davantage de partage des richesses plutôt que la diminution de leurs revenus. On a vu une certaine partie de la gauche vouloir interdire ce meeting d'Éric Zemmour, c'était le cas du président du conseil départemental, Stéphane Troussel, socialiste. On a entendu une voix différente de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui a dénoncé justement ces appels au boycott, quelque part, de ce meeting d'Éric Zemmour. Vous avez débattu, Jean-Luc Mélenchon en tout cas a débattu avec Éric Zemmour. Est-ce que vous déplorez, regrettez ces affrontements qui ont eu lieu à l'intérieur de cette salle et comment espérer un débat digne, un débat serein et un débat d'idées entre les candidats? Alors nous, clairement, nous sommes pour combattre Éric Zemmour sur le fond et je viens de le faire en ciblant quelques-unes de ses propositions. Jean-Luc Mélenchon l'avait fait de brillante manière lors du débat qu'il avait fait sur BFM TV. Mais là, ce qu'on a constaté, c'est que dans le meeting d'Éric Zemmour, la violence venait des partisans d'Éric Zemmour. On a notamment vu des images d'un des partisans d'Éric Zemmour frapper très violemment et à plusieurs reprises une femme qui venait manifester de manière passive. Donc la violence, elle vient très clairement là ce soir du camp d'Éric Zemmour. Et clairement, je pense que les Français ont besoin désormais d'apaisement, pas d'affrontement comme ses partisans sont en train de le faire. Donc dans cette campagne présidentielle, d'une manière générale, il faut qu'on puisse faire descendre le niveau de conflictualité. Mais en même temps, on ne peut pas en vouloir aux femmes, aux personnes racisées de montrer une forme d'opposition vis-à-vis d'Éric Zemmour, puisqu'il passe son temps à les insulter dans ses prises de parole, comme par exemple lorsqu'il dit que les femmes ont un cerveau archaïque, qu'elles ne sont pas... Il emploie un certain nombre de formules de ce type-là qui sont très misogynes et il est normal que les femmes militent contre Éric Zemmour puisqu'il veut s'attaquer à leurs droits. Voilà, comme vous l'avez vu, c'était très court, mais ça permettait de dire un certain nombre de choses néanmoins. Si ce que j'ai dit vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Et puis, comme toujours, eh bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je les lis. Ils m'aident beaucoup et je trouve toujours très intéressant ce que vous y écrivez, donc n'hésitez pas. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà dirà, oh che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 4 décembre, j'étais l'invité de CNews pour parler de l'élection de Valérie Pécresse à la tête des Républicains comme candidate à l'élection présidentielle. Alors dans cette émission, j'ai expliqué que Valérie Pécresse et les Républicains avec elle avaient abandonné la ligne gaulliste de la droite républicaine, celle d'un État planificateur et d'une France indépendante. Et puis j'ai aussi dit que avec les mesures que propose Valérie Pécresse, finalement, on aboutirait à une baisse des salaires des salariés de ce pays. Alors face à moi, il y avait deux personnes des Républicains qui n'étaient pas très convaincantes. Je vous laisse regarder cette émission et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Antoine Léaumont, bonjour. Vous êtes orateur national de la France insoumise. Est-ce que vous suivez ça de loin ou vous vous intéressez de près à cette investiture Les Républicains ? Bon, honnêtement, j'ai suivi ça d'assez loin, mais bon, je constate le résultat. En réalité, ce résultat, on ne sait pas trop le commenter, puisque c'est deux lignes qui sont assez similaires entre M. Sautier et Mme Pécresse, c'est des degrés dans la droite extrémisée, et finalement, on va avoir une situation politique dans laquelle cette droite, qui était jadis une droite républicaine, va être partagée entre le libéralisme à tout craint de M. Macron et des propos toujours plus outranciers, type Zemmour. Donc finalement, le seul avenir de cette droite-là, c'est de se faire siphonner par l'un et par l'autre, et d'être réduite dans cette campagne à pas grand-chose. On regrette un peu la disparition de la droite républicaine gaulliste qui défendait le rôle de l'État, qui défendait la planification, qui défendait un rôle pour la France dans le monde, et désormais on se retrouve avec un espèce de mi-chemin entre Macron et Zemmour. Donc je ne promets pas un grand avenir à Madame Pécresse, même si je n'en aurais pas promis un beaucoup plus grand à Monsieur Ciotti non plus. Vincent Jeanbrun sur ce plateau veut vous répondre. Oui, c'est dommage, surtout quand on dit qu'on suit ça de très loin, de déverser autant d'aigreur. La vérité, c'est que ce soit Monsieur Macron, que ce soit Madame Le Pen, ou que ce soit Monsieur Mélenchon que vous soutenez, on voit bien que eux avancent seuls, désunis, sans équipe, sans beaucoup de soutien. Et je comprends que vous trembliez face à l'image d'une candidate qui incarne une droite moderne, qui a déjà son équipe, déjà son programme, et qui maintenant a déjà sa feuille de route pour aller jusqu'à l'Élysée. je pense, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je pense que vous suivez de ça d'assez loin aussi, puisque Jean-Luc Mélenchon a publié son programme en librairie il y a 15 jours, vous n'êtes peut-être pas au courant. Il a une équipe de gouvernement qui est prête, nous avons demain un meeting à la Défense qui montre que nous sommes en ordre de bataille et nous y attendons beaucoup de monde. Donc, en réalité, je pense, moi, que vous avez un problème avec une chose, c'est que ce qui appartenait jadis à la droite gaulliste, c'est quelque chose que nous défendons, nous, aujourd'hui, la planification par l'État, le rôle de l'État. Le pauvre général de Gaulle va se retrouver dans sa tombe. Non, monsieur, quand nous défendons l'indépendance de la France vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, vous êtes dans la logique de vous encadrer dans les règles de l'OTAN. C'est voilà, pour sur qu'a tenu Mme Pécresse tout à l'heure en disant qu'elle défendrait la France. Sur les questions européennes, c'est la même chose. Elle dit qu'elle veut être une Madame Merkel. Les Français n'ont pas envie d'une Madame Merkel ni d'une Madame Thatcher, puisque le résultat de leur politique, c'est la perte des droits pour les salariés. C'est la diminution du rôle des salariés dans l'entreprise, la baisse sur le long terme des salaires. Donc, si c'est ça que vous voulez défendre avec l'augmentation de la retraite à 65 ans, allez-y. Mais les Français ne seront pas derrière vous pour vous suivre. Alors, il y a aussi Stéphane Lerudulier. Oui, non, mais c'est des propos totalement caricaturaux. Ça demande, franchement, je me demande si ça, on peut répondre à de tels propos, étant donné que tout le monde se réclame du gaullisme, même maintenant l'extrême gauche. Donc, c'est quand même une information. Vous avez un scoop sur CNews. Non, plus sérieusement. Ça vous embête, non ? Les seuls capables de pouvoir redresser la France, on l'a vu, ce sont les Républicains. Par rapport au talent, par rapport à Valérie Pécresse, mais aussi l'ensemble des concurrents qui a entouré la candidate et qui va faire que nous aurons un projet crédible et qui va faire écho au niveau de la population. La seule espérance, c'est notre famille politique qui la porte. Alors je sais que ça froisse M. Mélenchon, ça froisse Mme Le Pen, ça fait trembler M. Macron, mais il va falloir s'y faire. La droite est de retour. De M. Zemmour. Et la droite, les Républicains qui sont quand même les héritiers du général de Gaulle, de Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Antoine Léaumont. Et je me demande bien ce qui reste comme héritage, puisque quand je parle de planification, par exemple, c'est un mot qui n'apparaît pas dans vos programmes. Quand on parle d'indépendance de la France, ça, vous le dites, mais vous n'avez aucune mesure qui correspond. Nous proposons, nous, la sortie du commandement intégré de l'OTAN, la sortie de l'OTAN à terme. Nous proposons sur l'Union européenne de faire opt-out sur toutes les règles. Je ne peux pas vous en vouloir de ne pas avoir écouté tous nos débats, mais je peux vous assurer que c'est des points qui ont été évoqués. Et vous avez pour seul programme la créolisation de la France. Pardon de vous le dire, ce n'est pas notre projet de société. Nous avons un projet de société extrêmement clair. Nous avons une ligne politique économique qui est crédible, contrairement à un certain nombre de vœux pieux. Vous voyez, monsieur, simplement, vous dites, qui mettront à monsieur, terre les vœux pieux, les vœux pieux. Donc, on est bien heureux de ne pas être d'accord, monsieur, et de ne pas réussir à vous convaincre de voter pour nous ce soir. Monsieur, nous sommes sur deux projets différents qui auront la possibilité de s'affronter désormais dans le cadre de l'élection présidentielle. Si je peux répondre simplement, parce que quand on est à distance, c'est extrêmement difficile. Vous dites que nous sommes sur des vœux pieux. Je vous donne des mesures concrètes. Par exemple, la planification. Par exemple, l'augmentation du SMIC à 1 400 €. Par exemple, la retraite à 60 ans. Par exemple, la sixième république. Mais tout ça, c'est des mesures concrètes. On est très loin de l'héritage du général de Gaulle quand vous parlez de sixième république. Si vous voulez parler du financement, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et que nous pourrions taxer davantage. Par exemple, nous proposons le rétablissement de l'ISF avec davantage de tranches que ce qu'il y avait avant pour la porter à 8 milliards d'euros au lieu de 3 milliards d'euros. On peut financer notre programme économique. C'est assez facile en réalité. Il suffit d'aller chercher l'argent là où il est, dans les poches des riches. Évidemment. Merci. Mais nous avons clairement un programme qui est différent, je dis pas le contraire, mais je dis juste que par rapport à ce qui est censé incarner la droite républicaine, vous n'êtes pas dans le créneau de ce qu'était la droite gaulliste. Je peux vous assurer, monsieur, que nous sommes totalement dans la droite républicaine et que nous avons la décence et le respect vis-à-vis des électeurs de leur faire des propositions chiffrées, crédibles. Mais leur permettront vraiment de croire dans notre proposition et dans l'avenir qu'on dessine pour la France. Vous voyez le problème, c'est que vous dites nous faisons des propositions crédibles et chiffrées. Lesquelles, s'il vous plaît ? Je n'en ai entendu aucune sur ce plateau. Moi, je vous en ai donné plusieurs. Augmentation du SMIC, 6e République, non, monsieur, retraite à 60 quand ans. Vous dites augmentation du SMIC. Vous n'avez donné, dans tout notre échange, vous n'avez donné aucune mesure que vous proposez. Si je peux vous répondre, je vais vous dire. Aucune. Donnez-moi une seule mesure que vous proposez. Vous agitez une proposition, certes. Augmentation du SMIC, elle n'est pas concrète. Quand Valérie Pécresse dit « moi j'augmente les bas salaires », elle donne les chiffres. Elle dit « j'augmente de 10% les salaires qui vont jusqu'à 2,5 SMIC ». Comment ? Et elle explique comment elle le finance, où elle fait les économies. C'est la différence entre vous et nous. Avec des baisses. C'est que vous faites de belles promesses. Nous, on met en œuvre de belles propositions. Non, vous le faites avec des baisses de cotisations. Or, les cotisations, c'est du salaire. Les cotisations, c'est du salaire différé. Les cotisations, ça sert à payer la sécurité sociale, notamment. Ça sert à payer. Ça sert à payer. On a eu ce débat sur le plateau tout à l'heure. Elle a très bien expliqué où elle prendrait l'argent pour financer notre sécurité sociale et notre solidarité nationale. Je crois que les choses ont été très claires de ce point de vue. Quand vous dites que vous voulez baisser les cotisations, eh bien vous parlez de baisser les salaires. C'est ça la vérité. Vous n'osez pas l'assumer parce que ça vous pose un gros problème de l'avouer aux gens. Quand on dit augmenter le SMIC, c'est un décret du président de la République. Ça peut se faire d'un trait de plume. Et en réalité, la question qui se pose derrière, c'est comment on accompagne les entreprises pour le faire. Nous sommes allés au salon du Made in France il n'y a pas très longtemps. Savez-vous ce que nous ont dit les entrepreneurs du Made in France ? Ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de ces augmentations de salaire, puisque précisément, comme produire en France coûte plus cher, pour trouver un marché, ils ont besoin que les gens soient mieux payés. Voilà un programme global. Nous voulons mettre en place également des mesures protectionnistes. C'est terrible, et merci de me conforter dans mes valeurs économiques de droite. Si vous ne répondez pas concrètement aux entrepreneurs, vous n'arriverez pas à défendre l'économie en France. Je partage totalement l'idée que les chefs d'entreprise aient envie qu'il y ait plus de pouvoir d'achat pour nos concitoyens, mais ils n'ont pas envie de payer plus de charges, et ils n'ont pas envie que les salaires leur coûtent plus cher. Donc la proposition de Valérie Pécresse, elle est très claire, elle est très simple. Donner le pouvoir d'achat aux Français, notamment aux petits salaires, sans que ça coûte plus cher aux entreprises. Vous avouez donc que vous allez baisser les salaires en incluant les cotisations dedans. Alors, très bien. Vous dire le contraire. Absolument. Non. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Comme toujours, je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. N'oubliez pas de me dire non plus dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que moi, ça m'aide beaucoup et je les lis avec attention. Et en attendant, comme toujours, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais madame, je ne suis pas le Père Noël. Cher Emmanuel, nous te rendons hommage, car cette année, tes cadeaux nous ont vraiment gâtés. Il n'attendait pas le Père Noël ? Je ne suis pas le Père Noël. Non, tu n'es pas le Père Noël, Emmanuel. Pour nous, les ultra-riches qui faisons notre fortune au détriment des plus pauvres, tu es l'élu. C'est la belle année d'Emmanuel, nous les plus riches, on est contents, et les yeux levés vers le ciel, remercions le gouvernement. Avant de partir en croisière, faisons une dernière prière. Les grèves, les manifs sont passées, les gueux retournent à leur boulot. Toi, tu as déjà commencé à flinguer leurs acquis sociaux. Au patron des grandes entreprises, tu réserves bien des surprises. Et quand on sera sur nos nouveaux yachts, entièrement défiscalisés, on chantera ta gloire d'une voix très haute pour ce que tu nous as octroyé. Petit Emmanuel. quartier. J'oublierai pas tes grands souliers, petit Emmanuel. L'abonnement à ma chaîne est gratuit et te donne droit à une exonération totale de l'impôt sur la fortune. Alors profites-en. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de l'Instant Porcher. Au programme aujourd'hui, l'intensification du contrôle des chômeurs annoncé par Emmanuel Macron, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France et la question de la crise du logement qui traverse le pays. Il n'y aurait finalement pas de travail de l'autre côté de la rue. Malgré les conseils du président de la République, 6 millions de personnes sont au chômage en France. Ainsi, Emmanuel Macron l'a annoncé, Pôle emploi va intensifier le contrôle des chômeurs. Cette mesure permettra-t-elle vraiment de lutter contre le chômage ? Thomas Porcher nous livrera son analyse. Alors que la COP26 a pris fin il y a quelques jours, que les rapports du GIEC sont alarmants sur la question du réchauffement climatique, le nucléaire est vanté par certains comme une solution pour le climat. C'est notamment le cas du président de la République, puisqu'il a pris un tournant en faveur du nucléaire en annonçant vouloir relancer la construction de réacteurs. Alors n'est-ce pas finalement un retour en arrière ? C'est ce qu'on va voir dans ce numéro. Il y a plus de 3 millions de logements vacants en France. C'est en tout cas le résultat d'une étude de l'INSEE. Comment expliquer ces chiffres alarmants alors que le mal-logement fait rage en France ? On voit ça tout de suite dans l'Instant Porcher. Alors que près de 6 millions de personnes sont au chômage en France, toutes catégories confondues, le gouvernement d'Emmanuel Macron monte au créneau et poursuit sa surveillance des demandeurs d'emploi. Lors d'une allocution, Emmanuel Macron l'a annoncé, Pôle emploi va intensifier le contrôle des chômeurs. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, l'a également précisé sur le plateau de RTL, il y aura 25% de contrôles supplémentaires, soit 250 000 contrôles, dans les 6 prochains mois. On va intensifier les contrôles, et c'est bien normal, alors qu'on accompagne, comme on ne l'a jamais fait, les demandeurs d'emploi, qu'on a proposé des formations, là aussi, comme on ne l'a jamais fait, qu'on s'assure que les demandeurs d'emploi cherchent effectivement du travail. Je vais au bout de la logique. Si on refuse un job, on n'a plus du tout droit aux aides et aux allocations. C'est une réponse graduée, si je peux dire. C'est-à-dire que la première fois, on va vous supprimer temporairement votre allocation, par exemple pendant un mois. Puis, si effectivement ça recommence, ça peut être deux mois et ça peut aller jusqu'à la radiation. Ainsi, les demandeurs d'emploi verront leurs allocations chômage suspendues. Et cela peut aller jusqu'à la radiation s'ils ne prouvent pas être en recherche active d'un emploi. Il faudra également travailler 6 mois au lieu de 4 pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation. Bonjour Thomas. Bonjour Tania. Alors d'où vient cette idée justement qu'il faut absolument renforcer le contrôle des chômeurs pour lutter contre le chômage de masse ? En fait, ça revient d'une représentation économique plutôt libérale du chômeur. Et même de l'individu de manière générale. En économie libérale, l'individu, c'est un homo economicus qui fait des arbitrages, en fait, en fonction de sa situation. Et là, on nous fait croire qu'un chômeur va arbitrer constamment entre ce qu'il peut gagner en travaillant et ce qu'il va toucher comme prestation chômage. Et donc, quand on part de cette idée, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, accroître la pression sur le chômeur pour qu'il accepte des offres d'emploi plus facilement. Donc, c'est des politiques actives qui reposent uniquement sur le chômeur. Mais les faits montre qu'il y a une grosse part du chômage qui est conjoncturelle. Par exemple, là, vous avez vu les reprises de l'activité, le chômage baisse. Reprise de l'activité tirée par les plans de relance, le chômage baisse. Donc là, on va nous dire, finalement, il y a moins de feignants. Et puis, après la crise de 2008, entre 2008 et 2017, vous avez eu 1,5 million de chômeurs en plus. Là, on va nous dire, les Français sont touchés par une crise de paresse, ils préfèrent toucher des prestations chômage que de travailler. Donc le chômage, en fait, a une grosse partie conjoncturelle qui dépend de l'activité et on ne peut pas concentrer tout sur le chômeur, comme le préconise la politique libérale. Et finalement, comment se passe justement ce contrôle en quelque sorte des chômeurs dans d'autres pays ? Alors déjà, il faut arrêter ce mythe du chômeur qui ne rechercherait pas activement un emploi. Quand on regarde les études qui ont été faites par Pôle emploi en 2018, 88% des chômeurs recherchent activement un emploi, 90% de ceux qui touchent une indemnité. Parce qu'il faut quand même le rappeler, sur les 6 millions de chômeurs que vous avez dit, 60% ne touchent pas d'indemnité. Et sur le reste, les 40%, l'indemnité moyenne, elle est un peu plus de 900 euros par mois. Donc vous voyez, quand on fait des arbitrages, soit ça veut dire que les salaires ne payent pas suffisamment parce que préférer toucher 900 euros que d'aller travailler, c'est un problème. Donc, et puis après, on ne prend pas en compte tous les aspects négatifs du chômage, sur l'estime de soi, etc. Et toutes les études montrent que les gens au chômage font plus de dépression, il y a plus de divorces chez les gens qui sont au chômage, et ainsi de suite. Mais malgré tout, les études montrent que les gens déjà cherchent activement un emploi et pourtant, on veut accroître la pression sur eux. Maintenant, dans les autres pays, il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, en Allemagne, un chômeur doit pouvoir être joignable tout le temps. Il doit être joignable tout le temps. S'il n'est pas joignable, eh ben, on peut arrêter ses prestations chômage. Les vacances d'un chômeur sont décidées avec un représentant des job centers. Ils font ça en étant accompagnés. Au Royaume-Uni, vous devez tous les 15 jours prouver que vous avez répondu à des offres d'emploi. En Allemagne, vous devez rendre un rapport d'activité sur ce que vous avez fait quand vous êtes chômeur tous les 2 mois. Donc il y a eu des contrôles comme ça et certaines études ont été faites dans certains pays montrant en fait que les gens se pliaient à ce type de contrôle mais que l'efficacité était plutôt pas énorme en réalité. Parce que beaucoup d'emplois, et y compris en France, ne sont pas trouvés via Pôle emploi. Et là, c'est un vrai problème aussi qu'il faudrait mettre sur la table. Ils sont trouvés par des réseaux. Les petits emplois, pareil, sont trouvés par réseau. On a besoin de toi 2-3 jours. Voilà, c'est un collègue avec qui tu as travaillé. Donc, ce n'est pas trouvé dans les sphères de Pôle emploi. Donc, obliger les gens à faire des recherches et à prouver qu'ils font des recherches, alors que ce n'est pas efficace, pour moi, c'est ajouter de l'humiliation à de l'humiliation. Donc, les gens se plient, ils font comme s'ils faisaient des recherches, alors qu'ils savent que ce n'est pas efficace, et ils continuent de réseauter à côté pour trouver un emploi comme ils le font habituellement. Donc, le vrai problème, c'est que Pôle emploi, aujourd'hui, n'est pas un pôle qui trouve des emplois. Il ne faudrait pas que Pôle emploi devienne un pôle qui contrôle uniquement et qui punit les chômeurs, comme le veut finalement Emmanuel Macron, en augmentant la pression et les contrôles sur les chômeurs. Et finalement, est-ce que le but réel de cette mesure est vraiment d'inciter les chômeurs à trouver un emploi ? Non, le but, ce n'est pas ça. Et c'est ça qu'il faut dire. Le but, en fait, c'est très simple. Macron, il nous avait promis à l'époque, et c'était le volet sécurité de sa flexisécurité. Parce que vous vous souvenez, Macron nous le présentait comme le président, la flexisécurité. La flexibilité, c'est la loi travail, c'est la baisse d'impôt sur, c'est la flat tax, la baisse d'impôt sur les revenus financiers, c'est la baisse d'impôt sur les gens les plus riches et les plus mobiles qui vont investir avec l'ISF. Et puis il y avait la sécurité. Et la sécurité, c'était donner des droits, des prestations aux démissionnaires. Tu peux démissionner tous les 5 ans, tu auras une prestation chômage si tu veux changer de vie. Et aux auto-entrepreneurs, l'ubérisation de l'économie. Sauf que il donnait plus de prestations en prévoyant une économie de 10 milliards sur l'assurance chômage. Ce qui veut dire que tu donnes plus avec moins. Et si tu donnes plus avec moins, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu dois donner moins de prestations, des montants plus faibles. C'est ce qu'ils vont faire, hein, baisser les montants sur pratiquement 1 million de prestataires, de chômeurs, et sur des durées plus courtes. Ou tu dois aussi radier. Et pour radier des gens, tu vas les contrôler. Si tu contrôles plus de gens, en fait, tu radies les gens dès qu'ils font la moindre erreur. Et donc, tu les sors de la statistique du chômage. Tu ne changes rien à leur vie. Ils ne vont pas avoir d'emploi. Sauf qu'ils ne rentrent plus dans la statistique du chômage. Et donc, tu te retrouves comme aux États-Unis, avec une super belle statistique du chômage, 4% de chômage. Tout le monde dit, mais c'est génial, l'économie va bien. Et Trump passe au pouvoir à l'époque avec 4% de chômage. Et les gens se disent, mais c'est quand même bizarre avec une activité aussi bonne que les extrêmes passent au pouvoir. Sauf que quand on regardait de plus près ce chiffre-là, vous aviez une grosse partie de gens qui étaient inactifs, complètement inactifs, sortis des statistiques. Et il y avait une décorrélation parfaite, qui n'avait pas lieu dans les années 80, 90 et même début 2000, une décorrélation parfaite entre l'aide alimentaire et le chômage. Ce qui veut dire qu'il y avait des gens qui touchaient l'aide alimentaire massivement et il y avait un chiffre du chômage très faible. Vous savez, entre les deux, vous avez la part d'inactifs, la part de gens qui vont bosser une demi-heure, une heure par-ci, par-là, le halo du chômage, etc. Et donc, il faut faire très attention. Et le but de Macron, c'est d'afficher une belle statistique pour dire, regardez, j'ai un bon bilan économique, mais le sort des chômeurs n'intéresse plus. Donc, pour ça, on contrôle. Et quand on contrôle, on radie plus. Et donc, voilà, on fait des économies, on a une belle statistique. Le gouvernement avait annoncé la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035 sur les 56 que compte le pays. Pourtant, si l'on en croit le président de la République, le nucléaire, cette énergie dite décarbonée, serait le seul moyen de garantir l'indépendance énergétique de la France. Ainsi, ce dernier a annoncé la construction de nouveaux réacteurs dans le pays. C'est pourquoi ? Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements. Au moment où nous allons clôturer la COP26 à Glasgow, C'est un message fort de la France. Du côté de l'opposition, c'est en effet un message très fort de la France. Elle évoque notamment l'échec de l'EPR de Flamanville, qui n'est toujours pas achevé depuis 2007. Annoncer une relance du nucléaire et la construction de nouveaux réacteurs, alors que l'industrie nucléaire enchaîne les fiascos, est totalement déconnectée de la réalité, a notamment réagi sur Twitter Nicolas Nass, chargé de campagne transition énergétique à Greenpeace. Alors Thomas, Emmanuel Macron a annoncé vouloir reconstruire des réacteurs nucléaires. Que penser finalement de cette annonce d'un point de vue énergétique et politique? Alors d'un point de vue politique, on va commencer par ça. D'un point de vue politique, là, bon, Macron, il a toujours été quand même pro-nucléaire, hein. Même si à l'époque, il y a des écolos qui l'avaient rejoint, comme Mathieu Orphelin, Daniel Cohn-Bendit, Pompili et d'autres, qui nous avaient expliqué dans des tribunes qu'il n'était pas du tout, que c'était un président écolo et tout. Alors qu'à la base, il a toujours été pro-nucléaire et même il a été pro-énergie fossile, parce que c'est quand même lui qui avait fait la promotion des gaz de couche, qui sont des gaz de charbon, notamment en Lorraine, qui est un gaz non conventionnel plutôt polluant. Donc il revient à ce qu'il était. Même s'il a mis une éolienne dans son clip de campagne de 2017, il revient à ce qu'il est. Et puis surtout politiquement, on voit bien que là, les pro-nucléaires sont à droite, très à droite dans le débat. Et donc voilà, il faut aujourd'hui rassembler le plus. La politique se fait à droite. Il faut que les électeurs de droite n'aillent pas trop chez Bertrand ou d'autres, ou celui qui gagnera la primaire. Donc il faut les rassurer sur un certain nombre de points. Et donc là, le nucléaire, ça les rassure. Et puis après, il y a quand même une fronde de certaines régions rurales où on a vu des dizaines d'éoliennes s'implanter. Et on doit en implanter plus pour tenir les objectifs de 2030. C'est ce que défend aussi sa ministre de la transition écologique, enfin de l'écologie, Barbara Pompili. Et lui, il sent aussi cette fronde. Il la voit arriver. Donc politiquement, il se dit, voilà, il faut mettre un petit peu... Il faut rassurer les gens en disant qu'on va faire du nucléaire. Nucléaire et renouvelable. Ce qui est plutôt faux, on va en discuter après, nucléaire et renouvelable, pour un petit peu montrer aussi qu'il y a un aspect moderne et climat, etc. Et en même temps, on rassure les maires ruraux et les habitants des territoires sur le fait qu'on ne va pas implanter des éoliennes partout. Donc c'est ça l'aspect politique, voilà, c'est de se centrer. Et l'aspect énergétique, quand il dit nous allons développer nucléaire et renouvelable, c'est plutôt très difficile. En réalité, vous savez, l'énergie nucléaire, c'est une centrale nucléaire, c'est un paquebot. C'est-à-dire, quand vous l'avez installé, c'est un coût très élevé, un coût fixe très élevé. Mais après, une fois qu'elle est installée, vous devez produire de l'énergie quasi en continu. C'est-à-dire que vous produisez au moins pendant 5000 heures. 75% du temps d'une année, la centrale est allumée, elle produit de l'énergie. Alors, ce qui a des avantages, parce que voilà, on a de l'énergie à foison, mais on ne peut pas dire qu'on va développer à côté de ça des énergies renouvelables. À partir du moment où on développe du nucléaire, on ne peut développer que de manière très faible les renouvelables. Parce que le nucléaire est un gros paquebot qui va produire la majorité de l'énergie, et donc on ne développera que de manière marginale les renouvelables. C'est ce qui se passe en France, où les renouvelables sont très faiblement développés par rapport à d'autres pays. Donc quand on dit qu'on va faire les deux, ou quand vous avez des libéraux qui disent « mais non, il ne faut pas les opposer, c'est les deux en même temps », c'est des bêtises. À partir du moment où il y a du nucléaire, il y a très peu d'autres énergies pour produire de l'électricité. Et déjà, en France, rappelons-le, en France, 75% de notre électricité, c'est du nucléaire. Vous voyez ? Donc si on rajoute encore des EPR, ce qui est inédit dans le monde par ailleurs, si on rajoute encore des EPR, etc., bon, on sera à 75, voire plus, qui sera du nucléaire. Donc on ne développera pas les renouvelables à côté. Donc il ne faut pas dire « je développerai nucléaire et renouvelable » comme il a dit d'un point de vue énergique, c'est faux. On va choisir le nucléaire et ça va se dépend du renouvelable. Et finalement, quels sont les avantages, mais aussi les inconvénients de l'énergie nucléaire ? Alors, les avantages, c'est clairement ce que j'ai dit, c'est qu'une fois que vous avez une centrale, pendant 40 ans, vous avez de l'énergie qui est produite à foison, 75% du temps. Et ça, c'est une bonne chose. Quand on a des pics, quand il fait très froid, vous savez, en fait, l'électricité ne se stocke pas. Donc, quand on allume tous la lumière le matin à 8h en se levant, ou à 19h quand on fait à manger et sa machine à laver et qu'on rentre du travail, il faut qu'il y ait tout de suite de l'électricité qui arrive, parce qu'elle ne se stocke pas. Du pétrole, on peut le stocker dans des barils. L'électricité, on ne peut pas la stocker. C'est le problème d'ailleurs des renouvelables. Les renouvelables, quand elles tournent, c'est bien, mais quand elles ne tournent pas, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité. Donc le nucléaire produit de manière abondante de l'électricité, et ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est la part du combustible. En fait, quand vous produisez de l'électricité avec des centrales à gaz ou à charbon, la part des combustibles, quand le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité augmente. La part du combustible est très faible dans le coût de fonctionnement d'une centrale. Et donc, en réalité, avec l'énergie nucléaire, on met à l'abri des variations et des fluctuations des marchés extérieurs, comme on le voit en ce moment, sur les prix de l'électricité. Donc ça, c'est deux avantages. Après, le gros inconvénient, il faut le rappeler, il ne faut pas le mettre sous le tapis, c'est l'accident nucléaire. c'est l'accident nucléaire. Et je veux dire, aujourd'hui, il faut vraiment avoir en tête que la France, c'est un petit pays. Hein. C'est un petit pays, on est 70 millions d'habitants, on doit être 1% de la population mondiale. Nous avons 17% des réacteurs au niveau mondial. Nous sommes le pays au monde qui avons le plus de réacteurs par habitant. Nous avons deux fois plus de réacteurs que le Royaume-Uni. L'Italie n'a aucun réacteur parce qu'ils ont peur. Ils ont choisi, vous voyez. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir un accident. Et si on augmente le nombre de réacteurs comme ils veulent faire en rajoutant des EPR, etc., c'est quelque chose quand même d'assez inédit. Vous voyez, notre situation est inédite. Le nucléaire, c'est 10% de l'énergie totale au niveau mondial. Nous, c'est 45% de notre bilan énergétique, 75% de notre électricité. On a jamais vu ça. C'est une spécificité. Donc ça, alors, l'accident de Tchernobyl est difficilement possible en France, hein, parce qu'on n'a pas le même matériel, etc. Enfin, c'est ce que disent en tous les cas les experts. Fukushima, à part si on a un tsunami comme ça, bon, on ne sait jamais aujourd'hui avec l'aléa climatique et donc météorologique est de plus en plus incertain, mais il faudrait quand même qu'il y ait un tsunami d'une puissance énorme. Maintenant, l'accident qu'il y a aux États-Unis, un des plus gros accidents nucléaires qui a stoppé le programme nucléaire à Three Mile Island, est possible. C'est possible. Ça reste une probabilité faible, hein. Probablement, on a une autorité de sûreté nucléaire qui est très compétente. Mais malgré tout, ça peut arriver. Et quand ça arrive, c'est pas pareil qu'une éolienne qui tombe ou je ne sais quoi. Là, ça peut être dangereux. Et puis après, il y a aussi la question du traitement des déchets. Les déchets, à un moment, il faut les mettre sous terre. Hein. Une partie des déchets, même s'il y en a moins, parce qu'il y a une grosse partie qui est réutilisée, mais il faut quand même les mettre sous terre. Et il y a beaucoup de villes qui refusent de vivre sous un cimetière de déchets nucléaires, quand bien même on leur dit que c'est sûr, et on les comprend, alors que d'autres pays comme la Suède ou le Danemark acceptent facilement ça. Nous, on a du mal en France. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Voilà. Faut pas dire oui c'est une énergie à 100% propre, c'est une énergie qui n'a aucun risque. Il y a un risque et quand il y a un problème, c'est pas des petits problèmes. Et qui financera la construction de ces nouveaux réacteurs ? Ben, ça c'est aussi la question. Alors c'est trop marrant, il nous dit on va rajouter 4 EPR, je crois que c'est 46 milliards. L'allongement de la durée de vie de nos réacteurs déjà qui a été validé par l'autorité de sûreté nucléaire, ça va coûter 50 milliards payés par EDF, donc 50 milliards, 46 milliards. Vous voyez, c'est un peu... on a un EPR qui a un surcoût, enfin, qui a 10 ans de retard. Enfin, vous voyez, on veut construire 4 EPR, mais on a un EPR à Flamanville qui a 10 ans de retard, qui a un coût qui a été multiplié par 6, je crois, qui est au-delà de 15 milliards aujourd'hui. Donc, à un moment, qui est-ce qui va payer ? Est-ce que EDF peut payer ? EDF est très endetté. EDF est très, très endetté. Donc, si c'est EDF qui paye ou si c'est l'État qui paye, ça se retrouve où à la fin ? Bah, sur la facture du consommateur. Donc, nous expliquer que c'est une énergie qui est peu chère... ça reste à prouver. Avec tous les surcoûts qu'il y a là, à un moment, les prix aussi de notre électricité vont augmenter. Parce que c'est toujours in fine le consommateur qui paye les investissements qui ont été faits. Il y a 3,1 millions de logements vacants en France. C'est en tout cas le résultat d'une étude de l'INSEE. Il n'y a jamais eu autant de logements vacants en France et les chiffres sont vertigineux. Il y aurait plus de 18 000 logements vacants depuis 2 ans à Lyon, selon les chiffres de Mediacité, sans compter plus de 400 000 en Ile-de-France et dans l'Oise, dont plus de 100 000 rien qu'à Paris, selon les chiffres du Parisien. Des chiffres alarmants, alors que 4,1 millions de personnes souffrent de mal-logement en France, où plus d'un million sont privés de logement personnel, selon le dernier rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. Alors Thomas, comment expliquer ces chiffres vertigineux, ce nombre de logements vacants, alors que voilà, plus de 4 millions de personnes souffrent de mal-logement en France ? Mais oui, quand on met les deux chiffres comme ça, le nombre de logements vacants et le nombre de gens qui souffrent de mal-logement ou qui n'ont pas de logement, tout simplement, ben on se dit, par un coup de baguette magique, on pourrait finalement reloger tous ces gens qui n'ont pas de logement dans les logements vacants. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. La première des choses, c'est qu'il faut vraiment le dire, dans tout marché, vous avez comme ça, de manière frictionnelle, des choses qui ne sont pas pourvues. Dans le chômage, vous avez des emplois non pourvus. Vous avez, il y a 300 000 emplois non pourvus, les Français ne veulent pas bosser. Il y a 6 millions de chômeurs. Et là, c'est pareil. Il y a 3 millions un peu plus de logements non pourvus. Alors, ça augmente. Donc, c'est pour ça qu'il faut vivre dessus. Ça augmente. Mais il y a quand même plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que vous avez parfois des gens qui vont hériter de petits logements, etc. Et le coût pour refaire ces logements coûte très cher. Et ils se disent, j'ai pas les moyens maintenant, donc ils vont le laisser vacant pendant 1 ou 2 ans. Des biens qui vont être hérités par certaines personnes, où il y a des partages, etc. C'est un peu plus compliqué, donc ils vont rester vacants pendant 1 ou 2 ans. Après, vous avez des choses un peu plus scandaleuses, c'est-à-dire des gens qui vont acheter des biens, jouer sur la hausse des prix de l'immobilier, voilà, et puis ils n'ont pas envie de les louer, puis les revendre, faire des achats spéculatifs. C'est des grandes banques, des grandes assurances, etc. Mais tout n'est pas des logements, voilà, qui sont, même si ça paraît scandaleux, c'est aussi du fait que parfois il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Et le vrai problème du mal logement ne peut pas être traité que par les logements vacants. Il doit être traité par d'autres facteurs multidimensionnels, comme le fait d'avoir un accès à l'emploi, le fait d'avoir des loyers plus modérés avec le contrôle des loyers, et puis le fait d'avoir une offre de logement supérieure à la demande pour pas qu'il y ait des tensions sur les prix. Donc ce n'est pas que les logements vacants. Un certain nombre de mécanismes ont été mis en place pour les logements vacants. Il y a eu la taxe. Si tu ne loues pas ton logement au bout d'un certain temps, tu payes une taxe supplémentaire. Il y a eu les subventions. Des subventions qu'on a dit, voilà, on va donner ça aux propriétaires pauvres qui ont un logement vacant pour qu'ils rénovent ce logement, pour qu'il soit habitable, parce que beaucoup de logements vacants sont des passoires énergétiques, nécessitent des travaux, etc. Et quand vous achetez des bureaux, par exemple, qui sont vacants, c'est horrible parce que des gens dorment dehors. Mais en même temps, ces bureaux ne sont pas habitables, il y a plein quand même de choses à prendre en compte. Et puis après, les logements vacants ne se situent pas tout le temps là où il y a un mal logement. Il y en a beaucoup qui sont dans des endroits où il n'y a plus beaucoup d'activités, où les loyers sont très faibles. Donc quand vous avez des loyers très faibles et que vous devez refaire, vous faites quand même un arbitrage. Donc la question des logements vacants, elle est importante. Il faut la suivre de près. Elle est, quand on compare les deux chiffres, scandaleuse. Mais elle est assez difficile finalement. On n'aura jamais zéro de logements vacants. C'est impossible. Elle est toujours compliquée parce que dans tout marché, vous avez comme ça une offre à peu près comme les offres d'emploi non pourvues, frictionnelles, et il faut accepter que ce soit le cas. Le vrai problème du mal logement, il se situe plutôt, moi je trouve, dans des prix très élevés dans les grandes villes, le manque de contrôle sur les loyers, et le fait aussi que quelqu'un qui se loge mal est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un emploi, etc. Et donc on a une analyse multidimensionnelle de la pauvreté qui amène, in fine, au mal logement. Et quelles seraient les solutions, voilà, pour résoudre en quelque sorte cette crise du logement ? Alors il y a plein de choses. Déjà, moi je pense que l'offre de logement est importante. Aujourd'hui, on a une offre de logement qui n'est pas suffisante. Pourquoi ? Alors quand on regarde chaque année, vous avez plus de 300 000 logements construits. Hein. Vous avez des gens qui arrivent, avec le taux de natalité qu'on a, qui arrivent sur le marché, qui veulent se loger, des jeunes. Mais il y a eu un grand, on va dire, changement dans la cellule familiale ces 20 dernières années, notamment dans les grandes villes, qui a fait exploser la demande de biens, c'est les divorces. C'est-à-dire que pendant très longtemps, une famille vivait dans un appartement. Aujourd'hui, vous regardez dans Paris, pratiquement deux tiers des familles, hein, ou une sur deux, vit dans deux appartements. Parce qu'ils ont divorcé. Et à partir de ce moment-là, vous avez une demande très forte qui a augmenté. À ça, vous ajoutez le fait qu'aujourd'hui, les régions où il y a des emplois sont des régions qui attirent finalement toute la main-d'œuvre pratiquement française dans certains secteurs. Vous regardez en école de commerce, 85% des diplômés d'école de commerce trouvent leur premier emploi en région parisienne. Ce qui fait qu'il y a un afflux de jeunes dans des endroits où il y a des structures familiales qui ont changé et qui fait augmenter le prix finalement des petites surfaces. Et donc on se retrouve dans des conditions complètement folles. Vous avez un étudiant qui a fait 5 ans d'études, qui va gagner 2500 euros en premier emploi, ce qui est bien, et donc qui va être dans les 20% des revenus les plus élevés sur l'échelle française, et qui va vivre dans 25 mètres carrés. Vous voyez ? Et ça, c'est hallucinant, parce que il y a une forte demande dans certains secteurs. Donc, il y a quand même, moi, je pense qu'il faudrait revoir la politique un peu territoriale pour arrêter que ce soit des grandes villes qui capitalisent comme ça tous les emplois, etc. Et puis après, il y a la question dans cet endroit où il y a des flux tendus qui a été mis en place, notamment à l'époque par Cécile Duflot, le contrôle des loyers, qui est important, et l'augmentation de la construction de logements aussi, qui doit être important. Donc, le mal logement. C'est quelque chose qui ne va pas se résoudre par un coup de baguette magique quand même. C'est une politique qui doit être menée sur le long terme. Et après, du côté des mal logés, il faut regarder en fait le cumul qu'il y a. Souvent, c'est des gens qui ont des emplois précaires, des emplois mal payés. Et donc là, il faut faire en sorte, voilà, soit de leur offrir des logements sociaux, soit de leur offrir des aides comme c'est le cas avec les APL. Or aujourd'hui, ce qu'a fait le gouvernement ces dernières années, c'est qu'il a baissé les APL. Donc voilà. Et qu'il a fait en sorte, en baissant les APL, comme il y a une grosse partie qui sont dans les HLM, d'appauvrir le logement social. Et donc c'est la politique inverse qu'il faut faire de ça. Il faut plutôt renforcer le logement social et faire en sorte qu'on ne touche pas aux APL, qui sont des choses qui sont directement relancées dans l'économie, puisque ce n'est pas avec des APL qu'on va placer son argent en Suisse. Et puis la dernière des choses, il y a quand même un aspect politique qui est important. Vous savez, on parle souvent des maires bâtisseurs, mais il y a beaucoup de maires qui n'ont pas intérêt à bâtir quoi que ce soit. Parce que quand vous êtes élu, parfois vous êtes élu, c'est votre deuxième, troisième mandat. Voilà. Vous maîtrisez finalement votre ville, vos électeurs. Avez-vous intérêt à faire rentrer de nouveaux électeurs ? Dans toutes les villes où il y a eu des maires bâtisseurs et des changements, on va dire, sociologiques de population, des maires ont perdu souvent leur ville. C'est pour ça que dans certaines villes, des maires ne veulent pas de logements sociaux. Ils préfèrent payer l'amende. Et au moins, ils restent au pouvoir, parce qu'ils ont, voilà, dans des villes plutôt à droite, ils savent que les électeurs ne veulent pas, donc ils font pas de logements sociaux. Et puis, dans d'autres villes, même parfois des villes très pauvres, ils disent pourquoi on bâtirait de nouveaux logements qui attiraient un nouveau type sociologique de personnes qui pourraient favoriser la mixité. Puisque ces personnes, potentiellement, ne voteront pas pour moi. Je prends un risque politique. Donc, les maires bâtisseurs n'ont pas aussi intérêt à faire en sorte qu'il y ait des nouvelles constructions, dans leur ville. Donc voilà, il y a des blocages politiques, il y a des blocages parfois économiques, et il y a une politique qui a été menée ces dernières années qui s'est concentrée sur le fait d'appauvrir les plus pauvres, et donc qui ont fait en sorte que les plus pauvres soient encore plus en difficulté face au logement qu'ils ne l'étaient auparavant. L'Instant Porcher, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le média est indépendant et n'existe que grâce à vous. Alors n'hésitez pas à faire un don à Devenir Sociaux. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez, une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, même si dans votre ville tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous croyez maintenant avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Je me joins au nom du groupe parlementaire insoumis à l'alerte que nous lance avec cette résolution le groupe GDR, qui a été présenté il y a quelques instants avec brio et conviction par Monsieur Fabien Roussel. La vérité est que nous sommes passés d'une situation où nous pouvions tous observer des débordements de haine de toutes sortes, de haine raciale spécialement, à des tentatives de passage à l'acte qui nous alarment tous, car du fait de notre bienveillance habituelle les uns et les autres, jamais nous n'aurions imaginé que des gens qui disaient déjà tant de sottises étaient capables de passer jusqu'au point de s'entraîner à tirer sur des caricatures de l'une ou l'autre d'entre nous, de menacer d'assassiner des gens, de former des commandos, et indubitablement, nous sommes confrontés à un franchissement de seuil. C'est dans ce contexte qu'intervient le texte que nous propose le groupe GDR, et il a raison de le faire. Le racisme n'est pas seulement une offense à l'intelligence de situation qui préside sur l'esprit public français depuis les Lumières et l'humanisme, qui postule que l'universalisme est l'horizon indépassable de la pensée que les êtres humains peuvent avoir les uns sur les autres, parce que, constatant qu'ils sont tous semblables par leurs besoins, ils sont donc tous égaux en droit pour les moyens d'y accéder. ce qui semblait être devenu une évidence après que le contraire ait été démontré de manière aussi sanglante et absurde, cruelle et démente par le régime nazi, est de nouveau remis en cause. Mais le racisme n'est pas seulement une offense à l'intelligence de situation. Il est une éducation à l'indifférence, à la souffrance et à la singularité. Pour le raciste, l'individu n'existe pas. Chaque individu est intégré à une catégorie à qui on attribue des caractéristiques et donc on devient indifférent à ce qu'il advient à chaque personne. Le racisme, de ce point de vue, est une ambiance qui prépare au meurtre, qui prépare à la violence, qui habitue à l'idée que certains puissent être maltraités jusqu'au point de mort. Déjà, dans le passé récent, nous avions proposé pour notre part un amendement à la loi Projet de confiance dans la vie politique qui aboutissait au même résultat et proposait la même direction de travail que cette résolution. Cependant, le groupe LREM avait étendu de manière assez audacieuse les condamnations qu'il proposait jusqu'au point d'y inclure absolument tout ce qui était contenu dans les délits de la loi de 1881 jusqu'à l'injure. Et c'est sur ce point, et je demande qu'on le retienne, que le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Le Conseil constitutionnel n'a pas voulu dire que le racisme était une opinion comme une autre et que, à ce titre, elle avait le droit d'être proférée. Le Conseil constitutionnel a estimé que, je cite, « pour condamnables que soient les abus dans la liberté d'expression visés par ces dispositions, en prévoyant l'inéligibilité obligatoire de leur auteur, le législateur a porté à la liberté d'expression une atteinte disproportionnée à cause de l'inclusion de l'injure ». Donc le texte que nous propose M. Roussel ne reproduit pas cette erreur. Il propose au garde des Sceaux de donner des consignes au procureur au moment où il propose des peines pour un acte. Eh bien, la résolution ne menace nullement l'indépendance de la justice, puisque c'est le rôle du garde des Sceaux de donner des consignes de politique judiciaire en général. Le texte propose qu'il le fasse en attirant l'attention du juge, le juge du siège, sur le fait que la peine d'inéligibilité est de toute façon prévue dans un certain nombre de cas, dont celui-ci. Il n'y a donc rien d'attentatoire à la séparation des pouvoirs. Au demeurant, pour ce qui concerne les insoumis, nous sommes partisans du fait, dans le futur, que ces circulaires du garde des Sceaux aujourd'hui, quels qu'ils soient, soient demain des lois de politique judiciaire votées par le Parlement, et je crois que nos camarades de GDR pensent la chose comme nous. Il est normal que le procureur soit l'avocat de la société, et on ne peut pas imaginer dans notre esprit une indépendance qui soit autre qu'une indépendance administrative, mais elle ne peut pas être le renoncement au rôle d'avocat de la société, dont seule la nation et ses députés peuvent être les interprètes, sinon qui voulez-vous que ce soit la caste de ceux qui se succèdent dans les fonctions? Non. J'achève en vous disant que cette méthode a déjà été appliquée. Madame Belloubet est intervenue par une circulaire pour exiger une rigueur particulière dans la répression des gilets jaunes. Et la peine a été appliquée elle-même, comme je viens de le dire, lorsque un élu a été condamné pour avoir proposé de payer avec leurs dents en or les dégâts que feraient les Roms. J'achève, si vous le permettez, d'un mot. On ne peut pas être représentant du peuple français si l'on ne comprend pas, non pas qu'on doit être exemplaire, ce n'est pas le sujet, personne ne l'est. On ne peut pas être représentant du peuple français si par ses propres propos, on exclut une partie de ce peuple de la représentation. On ne peut donc pas prétendre être le représentant de ce que l'on a soi-même divisé. Ils étaient 20 et 100, ils étaient les meilleurs. Nous aimaient maigres, tremblants, dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 6 décembre 2021, premier lundi du mois de décembre. On peut dire aujourd'hui que la course inexorable vers la présidentielle de 2022 s'est accélérée. Et nous sommes là jusqu'au bout, nous serons là, bien entendu, avec votre soutien. Votre soutien, ce sont des likes, des partages, des commentaires, mais aussi, si vous le pouvez, des dons sur la plateforme OKPAL et des abonnements sur le mediatv.fr/soutien. La contre-matinale du Média épisode 49, c'est parti. Aujourd'hui, comme tous les lundis, on fait le bilan du week-end politique, un week-end qui a été riche, particulièrement riche avec la victoire de Valérie Pécresse à la primaire des Républicains, le meeting parisien de Jean-Luc Mélenchon à la Défense, meeting de lancement du Parlement de l'Union populaire et l'entrée en campagne d'Éric Zemmour, prévue au Zénith, mais qui a finalement eu lieu au parc des expositions de Villepinte, notamment en raison des annonces de manifestations antifascistes. J'évoquerai ces différents sujets avec notre ami, un de nos amis du lundi, Thomas Porte, le président de l'Observatoire national de l'extrême droite, qui a d'ailleurs quelque chose à nous dire. Mais on commence par le commencement, c'est-à-dire la titrologie. Le week-end politique qui vient de s'achever est bien entendu présent à la une des journaux, plus précisément de Libération et du Figaro. Libé titre 2022, tour de surchauffe. Premier meeting entre discours nauséabond et violence physique pour Éric Zemmour. À la Défense, Jean-Luc Mélenchon s'est posé en recours à gauche, mettant l'accent sur le social. Chez LR, Valérie Pécresse, gagnante samedi de la primaire, doit composer avec le très droitier Éric Ciotti. Emmanuel Macron, lui, attend l'an prochain pour sortir du bois. C'est ainsi que Libé résume le week-end politique, donc Libération, qui illustre son titre de une avec un photomontage de 6 des candidats désormais déclarés, une sorte d'ombre blanche qui les surplombe. C'est l'ombre d'Emmanuel Macron qui continue manifestement de faire campagne sans se déclarer avec les moyens de l'État. 2022, Pécresse lance la bataille contre Macron, titre Le Figaro. Valérie Pécresse, c'est à en croire le quotidien traditionnel de la droite, part à l'assaut de l'Élysée avec la volonté de rassembler toutes les sensibilités de la droite républicaine. Elle serait, toujours selon Le Figaro, la rivale et le pire cauchemar de Macron. Le Figaro offre également à Éric Zemmour, son ex-salarié, une belle couverture. Zemmour, qui, selon le quotidien cher à la famille Dassault, revêt les habits de candidat et s'est offert une démonstration de force inédite dans la campagne, en tout cas selon le FIG. Valérie Pécresse martèle l'humanité et avant tout la candidate d'une droite autoritaire et ultralibérale. Le quotidien d'inspiration communiste consacre l'essentiel de sa une à la Guadeloupe. La vie chère au cœur de la colère, écrit Luma, qui publie un reportage donnant la parole à des habitants qui dénoncent la mainmise de quelques grands groupes sur l'économie. Comment le Rafale est devenu un champion à l'exportation, se réjouit Les Échos, qui note la commande record de 80 appareils par Abu Dhabi et la moisson inédite de contrats dont bénéficient les industriels français dans les pays du Golfe Persique. Qu'importe, n'est-ce pas, les révélations de Disclose sur la complicité objective de la France dans les assassinats ciblés de l'armée égyptienne, ce qui a raffermi les relations et permis les commandes de Rafale. Et puis pourquoi se lamenter, n'est-ce pas, sur l'implication des Émirats Arabes Unis dans la guerre au Yémen ou sur l'assassinat en Arabie Saoudite du journaliste Jamal Khashoggi, balayé du revers de la main par Emmanuel Macron, qui a fait ami-ami samedi dernier avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Les affaires sont les affaires, manifestement. En tout cas, pour le quotidien cher à Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde. Jean-Frédéric Poisson, patron du Parti démocrate... patron du Parti des chrétiens démocrates, rebaptisé en 2020 VIA, était au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. On se demande bien ce que pense le pape François, ou alors ce qu'il en penserait s'il le savait. Le pape François, qui peut-on lire à la une de la Croix, le quotidien catholique, est en colère contre l'Europe sur la question des migrants. Des migrants à Chypre puis en Grèce, François a dénoncé les nationalismes et la fermeture des Européens à ce sujet. Des migrants et de leur humanité qu'on est désormais obligé de rappeler, les questions dans ce bel article de Street Press, Awa et ses amis en font des rues de Paris. Quand elle sera grande, écrit Street Press, Awa veut élever un dauphin gentil à qui elle donnera du lait et des légumes et qu'elle emmènera à la piscine et à la plage en le tractant sur une carriole à roulettes dans un aquarium. Mais pour l'instant, Awa, qui avec sa sœur de 13 ans et sa mère, venue de Côte d'Ivoire, dort sous une tente, elle-même sous un tunnel, dans le 19e arrondissement de Paris. Nous sommes le lundi 6 décembre 2021 et en région parisienne, au moment où je vous parle, Awa se prépare donc à aller à l'école, car elle est scolarisée, et il fait à peu près 5 degrés dehors. La nuit dernière, il a plu, et aujourd'hui, il pleuvra. À signaler aussi dans Reporter un long et passionnant article de Laurie-Anne Cholez, Hulot, les coulisses d'une omerta, une enquête qui nous permet d'entrer dans l'entourage de l'ancien animateur, ministre d'Emmanuel Macron et figure de ELV. Comment tout ce petit monde a pu ne rien voir ou détourner le regard? Les témoignages sont nombreux, notamment sur les rumeurs dans le petit milieu qui ont pu dissuader le Hulot d'être candidat en 2017 ou servir à des rivaux en interne pour l'écarter. Et dernier article, il est dans Arrêt sur image, Apple et l'auto-réparation, la grande illusion. Certains activistes se réjouissent en effet après l'annonce de la firme qui fabrique l'iPhone et l'iPad. Apple a annoncé la mise en place d'un service de réparation « Do it yourself ». A priori, une nouvelle qui va dans le sens de la lutte contre l'obsolescence programmée, mais Apple ne fait que devancer l'inéluctable puisque les pressions conjuguées des réparateurs, des élus, du monde associatif et même de salariés et actionnaires et des régulateurs aussi obligeaient de toute façon sa direction à réagir. Maintenant, quels seront les prix des pièces de rechange et pourquoi ces possibilités de réparation sont limitées aux toutes dernières sorties d'Apple, notamment les iPhone 12 et 13. Bref, un article sur les stratégies de com d'une entreprise historiquement opposée de manière catégorique au droit à la réparation. Place désormais au zapping du week-end politique, un week-end que je décrypterai avec Thomas Porte, président de l'Observatoire national de l'extrême droite. Mais avant qu'il s'installe, regardons un petit magnéto sur un nouvel objet politique qui était un peu la vedette du meeting de Jean-Luc Mélenchon à la Défense ce samedi, le Parlement de l'Union populaire. Son prénom scandé et une photo de famille d'un parti rassemblé. Une première étape validée pour la candidate, mais le chemin est encore long. Car maintenant, Valérie Pécresse va devoir réussir l'intégration des soutiens des candidats battus. Dès demain, la candidate déjeunera avec Éric Ciotti et se rendra dans son fief à Saint-Martin-Vésubie. Objectif, convaincre les près de 40% d'adhérents qui ont voté pour le député des Alpes-Maritimes. Elle poursuivra ensuite son périple chez Michel Barnier. Oui, un premier couac, on peut le dire. Il y a déjà de l'eau dans le gaz au sein du Parti des Républicains, moins de 24 heures après l'annonce des résultats du Congrès hier. Alors, pour vous résumer ce qui s'est passé, Éric Ciotti a organisé un rassemblement tout à l'heure. Officiellement, le but, c'était de remercier ses soutiens et d'appeler ses soutiens à se réunir derrière Valérie Pécresse. Sauf que quelques minutes après ce rassemblement, Éric Ciotti a semblé beaucoup plus hésitant à notre micro lorsqu'on l'a interrogé justement concernant Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, hier, a déclaré au journal de TF1 qu'elle ne comptait pas forcément mettre en application toutes les mesures préconisées par Éric Ciotti. Voici ce que lui répond l'intéressé. Le message qui a été lancé hier n'était pas un bon message. Alors, bon, on a eu une erreur de magnéto. C'était, on voulait parler du Parlement de l'Union Populaire. Et en fait, on a regardé un magnéto sur... en tout cas, les querelles en fait au sein de LR, un magnéto qu'on va re-regarder. Alors, je ne sais pas s'il est possible de regarder le magnéto sur l'Union Populaire, le Parlement de l'Union Populaire. Donc, alors, Thomas, on ne pourra pas regarder ce magnéto, mais tu vas nous expliquer puisque tu es là. Alors, tu étais donc ce samedi au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Qui était donc une occasion de présenter le Parlement de l'Union Populaire et une occasion de voir que tu as rejoint le Parlement de l'Union Populaire en question. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi finalement avoir choisi de quitter ELV, hein, puisqu'en fait, globalement, tu étais le porte-parole de Sandrine Rousseau lors de la primaire ELV. Tu es resté, en fait, avec Sandrine Rousseau, finalement, auprès de Yannick Jadot, et tu as décidé de partir. Donc, un, pourquoi avoir rejoint Jean-Luc Mélenchon? Et deux, c'est quoi le Parlement de l'Union Populaire? Donc, pourquoi avoir choisi de rejoindre Jean-Luc Mélenchon? J'avais été clair dès le départ, où j'avais dit que Yannick Jadot ne serait pas mon candidat, puisque... Je respecte beaucoup Yannick et ses engagements écologiques, mais je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'un programme de rupture qui remet en cause les logiques libérales, capitalistes, et qui véritablement met un coup d'arrêt à tout ça. Et je crois pas que c'est aujourd'hui le programme que porte Yannick Jadot. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de rejoindre non pas Jean-Luc Mélenchon, mais l'Union Populaire, comme tu l'as expliqué, qui a mis en place son parlement de campagne ce week-end. Ce parlement de campagne de l'Union Populaire, il réunit pour l'instant 200 personnes, 100 de la France insoumise, donc avec les parlementaires sortants, les conseillers régionaux, des militantes et des militants, et 100 personnalités qui viennent du monde syndical, associatif, de la culture, des acteurs du monde musical. On a Annie Ernaux, on a le syndicaliste Xavier Mathieu, on a Aurélie Trouvé, qui est l'ancienne présidente d'Attac, qui va présider ce parlement de campagne. On a Anthony Smith, qui est un inspecteur du travail, qui avait mené la bataille contre Muriel Pénicaud quand il avait été mis à pied pour avoir demandé des masques pour les salariés. Donc on voit qu'il y a une très grande diversité. Il y a l'ancien président du Secours Populaire, il y a l'ancien président de la FCPE. Donc il y a des... Abderrahmane Waberi aussi. Il y a une très grande diversité de femmes et d'hommes qui mènent des luttes au quotidien et qui considèrent qu'aujourd'hui, face à l'urgence de l'extrême droite et de la droite, nous avons besoin d'avoir un projet politique majoritaire, d'avoir un projet qui gagne. Et je crois que cette démarche que fait Jean-Luc Mélenchon de mettre en place ce Parlement de l'Union Populaire, où je le répète, 100 personnes viennent sans appartenir, entre guillemets, à la France Insoumise, elle permet d'élargir aujourd'hui ce qu'est ce mouvement politique. Et nous allons continuer dans les semaines à venir à travailler à ce que des nouvelles personnes nous rejoignent. Et le Parlement de campagne va continuer à s'enrichir de cette diversité. Est-ce qu'il y aura de nouvelles personnes dans ce Parlement de campagne? Ben on l'espère. En tout cas, moi je lance un appel aujourd'hui pour que il et elle nous rejoignent. Il y a une déclaration publique qui va être publiée dans la journée suite à la première réunion du Parlement de l'Union Populaire qui s'est réunie hier en présence de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons eu des échanges de très haut niveau. Et effectivement, l'objectif c'est de continuer à élargir, de continuer à dire que on peut s'inscrire dans cette démarche-là. Ce Parlement, c'est pas un gadget, c'est pas un comité de soutien de façade à Jean-Luc Mélenchon, non. C'est véritablement un outil politique qui aura plusieurs rôles. Un, celui d'être consulté par le candidat sur la stratégie politique, sur le timing de la campagne, sur comment on ressent les choses. Et il l'a exprimé de manière assez forte. Hier, quand il est venu, il a dit « C'est un peu grâce à vous que je vais prendre la température du terrain, que je vais voir les réalités ». Puisque vous venez d'horizons divers, il y a aussi des militants des quartiers populaires qui ont expliqué des choses. On a eu Christian Prudhomme, qui est un syndicaliste de la santé, qui est aujourd'hui conseiller régional, qui est venu parler de l'hôpital public. On a l'ancien une personne qui est engagée dans la justice qui est venue parler de ça. Donc il y a tout ça. Ça sera cette première temporalité là. La deuxième, le deuxième rôle du parlement de campagne, c'est celui de continuer, ce que je dis tout à l'heure, à élargir, à aller chercher des gens. On a aujourd'hui des gens qui nous ont d'ores et déjà sollicité pour dire qu'ils souhaitaient s'inscrire dans cette démarche, qui est une démarche d'ouverture, dans le respect de l'indépendance de chacune et chacun. Et la troisième, enfin, c'est de continuer à enrichir. La France Insoumise a présenté un programme, l'Avenir en commun, où il y a plus de 600 mesures. Il y a des plans thématiques, et dedans, il y a des livrets qui déclinent ces plans. Et nous devrons enrichir ces livrets en faisant des propositions à continuer à avancer sur le programme qui est aujourd'hui d'une densité extraordinaire et qui, je crois, est majoritaire dans la population. Et l'enjeu, c'est de transformer aujourd'hui ces idées qui sont majoritaires en vote pour exercer le pouvoir en 2022. Mais il y a la philosophe Barbara Stickler, hein, qui fait partie de ce Parlement, l'Union Populaire, qui dit que, au fond, c'est la première fois qu'elle prend ce type d'engagement avec un parti politique, mais elle évoque l'urgence, en fait, l'urgence globale, démocratique, dans laquelle se trouve notre société, avec cette élection qui n'est pas une élection comme les autres. Il y a beaucoup il y a beaucoup de personnalités qui s'engagent pour la première fois en politique au sein de ce Parlement. Il y a aussi Bruno Gachiot, que tout le monde connaît ici, qui a été connu au travers des Guignols, qui, effectivement, au regard de l'urgence, se disent qu'aujourd'hui, on peut pas rester en dehors de l'arène, on peut pas regarder en comptant les points et en disant que ça va pas, que la gauche n'est pas rassemblée, que la gauche est faible. Et ils prennent un engagement concret pour faire avancer les choses et pour mettre un coup d'arrêt et pour empêcher soit Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron d'arriver au pouvoir en 2022, parce que on connaît aujourd'hui les désastres de 5 ans de Macronie. Et 5 ans de plus, ça sera absolument catastrophique pour des millions de personnes. Il y a une urgence sociale, une urgence écologique et une urgence démocratique qui fait que ces personnes-là, elles se lancent aujourd'hui dans la bataille avec leur expérience, avec leur propre code, avec leur envie et autour du programme de l'Avenir en commun pour dire aujourd'hui, on peut changer les choses, mais il faut se mobiliser. Alors, il y a aussi des anciens, en fait, pas des anciens, des cadres, des membres du Parti communiste français qui ont rejoint cette Union populaire. Mais on voit pas beaucoup de figures écologistes. En tout cas, de LV historique, est-ce que tu peux nous dire si ça vient ou si ça vient pas? Bah, effectivement, vous avez parlé des cadres. Bon, il y a aussi beaucoup de cadres du Parti communiste français qui sont autour de Fabien Roussel, puisque c'est le candidat du Parti communiste français, et c'est tout à fait normal. Effectivement, hier, on a eu Aizine Taibi, qui est le maire de Stein, qui sera le vice-président du Parlement de campagne de l'Union populaire. PCF de Stein. Maire PCF de Stein, qui est venu hier faire un discours extrêmement fort lors du meeting de Jean-Luc Mélenchon, justement, où il a fait le lien entre les quartiers populaires et le milieu rural, où on a tendance souvent à opposer les deux, et il a rappelé l'urgence à mettre tout ça en lien. Après, moi, je vais pas parler pour Europe Écologie Les Verts et pour celles et ceux qui s'engagent autour de Yannick Jadot. Je crois que il faut aussi avoir du respect pour celles et ceux qui mènent des batailles politiques en ce moment dans le camp progressiste, parce que je crois que demain, nous aurons besoin de toutes ces voix pour reconstruire aussi une gauche radicale dans ce pays. Et véritablement, le Parlement de l'Union populaire, il a vocation à travailler sur la campagne de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles et législatives. Mais il est aussi là pour poser les bases et les jalons d'une future force politique dans les années à venir. Ok, bah, lors de ce meeting, justement, Jean-Luc Mélenchon a essayé de booster le moral des troupes et de leur expliquer pourquoi il ne fallait pas baisser les bras, que tout n'était pas perdu d'avance. On écoute. Il n'y a qu'un combat qu'on est sûr de perdre, c'est celui qu'on ne mène pas. Et celui qu'on mène, vous ouvrira des portes inouïes. Vous le découvrirez en cours de route, le nombre de ceux qui, dans le monde, sur d'autres continents, attendent de nous. Parce que pour eux, la France, ça sera jamais Le Pen, Zemmour, Macron. La France, pour eux, ça sera toujours Victor Hugo. Ça sera toujours la devise de la République. Et ça sera toujours nous, parce qu'ils nous connaissent. Ils nous regardent, ils nous suivent, ils savent qui nous sommes. Et ils savent que si nous faisons rompre la chaîne du capitalisme mondialisé en France, alors elle craquera partout ailleurs. Voilà pourquoi ils déferlent contre moi cette haine que je vois partout, ces mépris. Aucun d'entre eux ne m'atteindra, ni eux non plus. Quoi qu'il arrive, ne baissez jamais la tête. Jeunes gens, quoi qu'il arrive, reprenez le drapeau s'il venait à tomber. Et il ne tombera pas. Et vous tous, vive la République, vive la France, et surtout, vive la République, parce que sans elle, il n'y a pas de France possible. Alors, vive la République et vive la France, et surtout vive la République. Jean-Luc Mélenchon prend le contre-pied de Éric Zemmour qui dit en gros vive la République et vive la France, mais surtout vive la France. Ouais, je crois que c'était le discours de Jean-Luc Mélenchon hier était extrêmement fort, et puis on l'a vu dans vos images, mais il a dit la France ce sera jamais l'extrême droite, c'est la sécurité sociale, c'est les congés payés. Donc je crois qu'il y a aussi besoin d'insuffler de l'espoir et du vent dans les voiles pour dire qu'aujourd'hui on peut avoir des débats sur les salaires, sur la sécurité sociale, sur la retraite, sur les questions environnementales, sur comment rendre meilleure la vie des gens, parce qu'aujourd'hui on est dans un récit aujourd'hui absolument réactionnaire, et quand vous prenez Valérie Pécresse, que vous prenez Éric Zemmour, vous prenez Marine Le Pen, y compris Emmanuel Macron, on est toujours sur des régressions sociales, on est toujours sur du moins-disant social, on est toujours sur des reculs, et on voit pas la vie des gens qui va s'améliorer, et on est sur des débats nauséabonds. Donc je pense que ce meeting a fait aussi du bien à toutes celles et ceux qui sont venus pour dire qu'enfin il faut parler des vraies questions dans le pays, et je crois qu'il y a des milliers de gens qui sont en attente d'avoir des réponses sur leur quotidien. Bon, on va désormais parler des autres, c'est-à-dire de Valérie Pécresse, plus largement de la primaire LR qui l'a couronné, du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. On commence donc par Valérie Pécresse et Éric Ciotti, l'actualité LR. On va pas rediffuser le magnéto qu'on a regardé, mais c'était un magnéto justement où on voyait le couronnement de Valérie Pécresse. Et tout de suite après, Éric Ciotti qui explique qu'elle a pas bien fait, qui parle de créer son propre mouvement. Alors est-ce qu'Éric Ciotti, selon toi, a vocation à rejoindre d'une manière ou d'une autre la campagne d'Éric Zemmour? Je ne sais pas si Éric Ciotti rejoindra la campagne d'Éric Zemmour. Je pense qu'un certain nombre de ses électeurs potentiellement voteront pour Éric Zemmour, parce que quand on a entendu les propos d'Éric Ciotti, on ne voyait pas beaucoup de différence entre lui et Éric Zemmour. D'ailleurs, j'ai remarqué que Guillaume Pelletier, un des vice-présidents, je crois, des Républicains, a fait un tweet hier d'ailleurs pour dire comment on ne peut pas être touché par ce discours d'Éric Zemmour sur la France. Mais tout ça, c'est aussi le symbole de l'OPA, des idées d'extrême droite sur les Républicains, où on a vu des débats qui ont été gangréné par ces idées-là, où on a eu trois débats de 3 heures avec 2h59 sur le voile, l'immigration, l'insécurité, la laïcité. Et Valérie Pécresse, parce qu'elle se donne un peu par rapport aux autres candidats, cette espèce d'habit de candidate républicaine et sur les valeurs de la France, mais elle a quand même proposé de mettre des mesures de justice qui seraient différentes selon le territoire dans lequel vous habitez. Donc c'est votre adresse qui vous assigne à résidence, et selon votre adresse postale, vous auriez des sanctions judiciaires. On appelle ça l'apartheid. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même d'une gravité extrême. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une dérive droitière, d'extrême droite même, sur les candidats républicains et sur le programme de Valérie Pécresse, mais c'est pas surprenant. Alors tu as écrit, Valérie Pécresse marchait aux côtés de la manif pour tous, elle veut détruire les services publics, elle déchaîne sa haine sur les immigrés, elle rêve de Thatcher, femme qui a le sang de milliers de mineurs sur les mains. L'extrême droite a désormais une candidate supplémentaire, ce que tu as écrit, hein, en fait, et j'aimerais qu'on développe, mais avant ça, on va regarder un petit montage du compte Twitter Caisse de Grève qui va un peu dans le même sens que toi. Présidente de la République, je présenterai aux Français un référendum. Approuvez-vous le projet de loi C2I, projet de loi citoyenneté, identité, immigration, qui comprendra un plan complet de maîtrise de l'immigration? La priorité, vous savez, c'est simple. Je fais un référendum avant l'été sur l'immigration, pour arrêter les flux d'immigration, pour supprimer le droit du sol, pour supprimer le regroupement familial. Moi, j'ai posé sur la table un vrai projet de loi constitutionnel que je soumettrai à référendum. Ce projet de loi constitutionnel, il permet de réguler, de stopper l'immigration incontrôlée. Et sur l'immigration, quand nous nous comparons avec l'Italie, avec l'Espagne, avec l'Allemagne, nous faisons mieux que les Allemands. Beaucoup mieux que les Allemands. Nous faisons beaucoup mieux que les Allemands, qui ont deux fois plus d'étrangers sur leur sol que nous. Nous faisons beaucoup plus que les Allemands puisqu'on a 120 000 demandes d'asile et ils en ont 160 000. Nous faisons beaucoup plus que les Allemands parce qu'on juge en 18 mois, quand les étrangers font des recours, avant de pouvoir les expulser, c'est un des problèmes, eux ils mettent 2 ans. Je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Alors c'est un montage qui est assez parlant, comment on en est arrivé là? Ben, on aurait presque cru que c'était une primaire, puisque c'était les mêmes propositions. Mais parce que c'est le débat de fond est tellement nauséabond, et les idées d'extrême droite ont tellement gagné du terrain qu'aujourd'hui, mais je pense qu'elles ont gagné du terrain beaucoup dans la classe politique, et pas autant qu'on l'estime dans celles et ceux qui votent aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se détournent de la politique, et un des enjeux de la prochaine présidentielle, c'est justement pour Jean-Luc Mélenchon de faire revenir ces gens aux urnes. Mais bon, Valérie Pécresse, oui, elle se revendique du modèle de Margaret Thatcher, qui est quand même celle qui a laissé crever les mineurs en grève et les a laissés mourir, véritablement, hein. Elle a proposé un référendum sur l'immigration, mais pendant le débat de la primaire, elle a parlé de tests osseux. Elle a parlé de faire des tests de langue et de renvoyer les gens s'ils parlaient pas français. Enfin, on a tout entendu dans cette primaire-là. Et moi, j'avais qualifié le second tour de la primaire. C'était un peu l'armée dans les quartiers populaires et exotiques contre les tests osseux de Valérie Pécresse. Donc, c'est surréaliste et on comprenait pas bien pourquoi il y avait pas Éric Zemmour et Marine Le Pen dans cette primaire. Ils auraient eu un seul candidat. Ça aurait été bien plus simple parce qu'ils portent littéralement tous le même projet politique. Samedi, justement, Éric Zemmour ouvrait sa campagne au parc des expositions de Villepinte et face à lui, il y a eu, on va dire, de la résistance et la mobilisation des forces de l'ordre à son profit a été assez frappante, comme a pu le constater notre journaliste Nicolas Maillard qui a live-tweeté l'événement Regarde. Alors Thomas, une petite question philosophique. Est-ce que les militants antifascistes doivent prendre d'assaut les meetings de Zemmour au risque de nourrir le procès en intolérance qui leur est souvent intenté? Moi, je crois qu'ils n'ont pas pris d'assaut le meeting d'Éric Zemmour. Mais je crois que dans ce pays, on a encore le droit de manifester quand on est contre quelque chose, quand on est contre les idées de quelqu'un. Ça aussi, ça fait partie de la démocratie et heureusement qu'on a le droit de maintenir ces mobilisations. Mais je crois que moi je salue celles et ceux qui se sont mobilisés. Et c'est important d'avoir des réactions contre ce candidat-là, qui est le candidat de la haine, je l'ai souvent dit ici. Et quand je les entends, Éric Zemmour et ses soutiens, dire « on comprend pas pourquoi il y a ces mobilisations », mais quand vous distillez la haine à longueur de journée, que vous insultez les gens, que vous les stigmatisez, vous créez des situations de colère et de tension. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui n'acceptent plus d'être montrés du doigt, qui n'acceptent plus d'être traînés dans la boue à longueur de journée par Éric Zemmour. Et son meeting d'hier a été une litanie d'horreur et d'insultes et de stigmatisation à l'égard des musulmans, à l'égard des journalistes, enfin à l'égard de toute une catégorie des populations qui est absolument pas acceptable. Donc je crois qu'il y aura d'autres mobilisations, ça va continuer parce que ce candidat-là, moi je l'assume très clairement, il n'est pas aujourd'hui dans le cadre républicain. Alors ce meeting a aussi été un moment de violence politique avec les militants de SOS Racisme qui venaient témoigner leur désapprobation de manière assez pacifique et se sont vus agressés par les supporters d'Éric Zemmour. On regarde. Alors, les journalistes aussi ont été pris pour cible. Hein. On pense notamment à ceux d'Alair Libre, l'émission de Mediapart. On a vu des convergences entre services de sécurité officiels de Zemmour et Nervi néo-nazi. Et ce sera vraiment la dernière question que je vais te poser. C'est quand même un problème. Je crois qu'il y a plusieurs journalistes d'expérience qui ont regardé ce meeting, qui l'ont couvert, qui ont publié des réactions, qui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on avait dans ce meeting-là un mélange au premier rang de la classe politique la plus rance qui existe. Et d'ailleurs, il y avait Eric Nolot qui était présent, donc il faut le souligner, parce qu'il se porte tout le temps en journaliste, politique, en défenseur de la gauche. Mais il était aujourd'hui au premier rang du meeting d'Éric Zemmour, et c'était évidemment un signe très clair de son amitié et du soutien qu'il a aux idées d'Éric Zemmour. Et effectivement, on avait derrière des groupes d'Action française, du groupuscule identitaire d'extrême droite Les Zouaves. Et les images de ce qui s'est passé avec avec SOS Racisme sont absolument sidérantes, parce qu'on avait des militantes et des militants qui sont venus de manière pacifique apporter un message pour dénoncer le racisme réel du candidat Éric Zemmour, qui a été condamné pour ça par la justice, et ils ont été littéralement lynchés. On a enfin les images de la personne qui passe à tabac une fille est absolument incroyable. Enfin, on a rarement vu ça. Des images qu'on a montrées, mais si on fait un zoom, on va voir des images encore plus violentes, ouais, effectivement. Et puis vous avez évoqué la presse, mais il y a eu les journalistes de Mediapart et de l'Air Libre font état de coups derrière la tête, fin d'insultes. Et on voit en plus, il y a une autre vidéo qui a été publiée par le Huffington Post qui, où on voit un des responsables de l'organisation du meeting d'Éric Zemmour féliciter ces militants d'extrême droite pour leur dire c'est bien le travail que vous avez fait, maintenant revenez assister au meeting. Donc on a vu hier une convergence entre une classe politique réactionnaire, des groupuscules d'extrême droite néo-nazis identitaires, tout ça au même moment, et ça a découlé sur des images d'une violence inouïe. Et ça doit... la police n'y était pas pour... elle a pris son compte quand même dans cette convergence, en tout cas des policiers. On ne va pas dire la police peut-être, mais des policiers se sont montrés extrêmement zélés, en tout cas selon Nicolas Maillard, notre journaliste qui était sur place. Ouais, il faudra regarder tout ça de très près, mais ce meeting-là, j'espère qu'il ne va pas donner la temporalité de la campagne présidentielle jusqu'à 2022, parce que sinon ça va être très long. Et ouais, c'est vraiment, c'est particulièrement inquiétant. Et moi, j'ai vraiment un message de solidarité aux militantes et aux militants d'SOS Racisme et aux journalistes qui ont été pris à partie. D'ailleurs, je salue, parce que hier, je regardais BFM TV pour pas les citer. Et derrière, des journalistes ont dit, mais oui, nous, on a diffusé ces images parce qu'on a été extrêmement choqués de ce qui s'est passé. Et ils ont souligné que les militantes et les militants étaient pacifistes et que les équipes, en tout cas les gens qui étaient présents au meeting d'Éric Zemmour, ont passé à tabac ces gens-là. Merci Thomas de t'être rendu disponible pour la matinale du Média TV. On passe désormais à la dernière partie de notre contre-matinale avec la diffusion en avant-première de l'Instant Porcher, l'émission économique de Thomas Porcher qui est désormais co-présentée par notre journaliste Lisa Lapp. Thomas et Lisa parleront de la bataille des travailleurs de Leroy Merlin face à la voracité d'une direction qui engrange des profits records, de l'inflation qui monte, et aussi du rapport sur la transition écologique de l'ADEME. C'est passionnant, restez jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à demain. Et bien sûr, soutenez la contre-matinale du Média. Sans vous, nous cesserons tout simplement d'exister. On regarde. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver dorénavant chaque semaine, comme d'habitude, pour analyser, décrypter et débunker, si je peux me permettre l'anglicisme, l'actualité avec Thomas Porcher. Au programme aujourd'hui, la lutte victorieuse des salariés de Leroy Merlin pour la revalorisation de leur salaire, l'inflation qui atteint un niveau record dans la zone euro, et enfin l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui dévoile dans un gros rapport ses quatre scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050. On va fouiller tout ça. Après deux semaines de grève et de mobilisation, les salariés de Leroy Merlin ont obtenu une revalorisation de leur salaire trop insuffisant par rapport à l'inflation. Une entreprise aux bénéfices records qui affiche une croissance de 5% en 2020. Deux semaines de grève, 10 heures de négociation pour obtenir 65 euros en plus sur la fiche de paie chaque mois. On va décrypter tout ça avec Thomas. L'inflation, elle, qui atteint un niveau record en zone euro du jamais vu depuis plus de 20 ans, depuis que les statistiques Eurostat existent. Eurostat, d'ailleurs, qui observe une hausse de 4,9% sur un an. Les prix à la consommation sont propulsés notamment par la hausse du coût de l'énergie, plus 27,4% comparé à 23,7% en octobre. On analysera ça et aussi le rapport de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui présente quatre récits pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Plus qu'une solution énergétique, ce sont quatre projets de société développés ici. Cela va du mode de vie le plus sobre au pari de la technologie et de l'innovation qui pourrait totalement réparer nos dégâts sur la nature. On va en savoir plus et analyser tout cela tout de suite. C'est l'Instant Porcher. Une grève illimitée victorieuse pour les salariés de Leroy Merlin. Après deux semaines de mobilisation qui a débuté le 17 novembre, les syndicats et directions ont enfin trouvé un accord sur les salaires. Une entreprise aux bénéfices records, 800 millions d'euros, affichant une croissance de 5% en 2020. Des revenus qui profitent surtout aux cadres et aux actionnaires. Mediapart a en effet révélé ces chiffres. Les revenus variables individuels accordés à 707 cadres en 2020 s'élèvent à plus de 10 millions d'euros, soit en moyenne 14 900 916 euros par bénéficiaire. Il y a aussi les stock options, 18 millions d'euros pour 144 personnes selon les syndicats. 8 hauts cadres auraient reçu en plus de 2,56 millions d'actions gratuites. Ce n'est pas le même bilan pour les 23 000 employés qui forment le socle de l'organisation sur 27 000 au total. Bref, 2 semaines de grève, 2 négociations dont une de 10 heures le 30 novembre pour obtenir 65 euros en plus sur la fiche de paie chaque mois. Thomas, bonjour. Peux-tu nous expliquer la cause du conflit ? La cause du conflit, elle est simple et tu l'as déjà bien détaillée. C'est qu'en fait, c'est ce qui se passe dans beaucoup de grandes entreprises, c'est que il y a les ventes qui augmentent, il y a le chiffre d'affaires qui augmente, il y a les stock options qui augmentent, et en bas, il y a les salaires qui n'augmentent pas, ou qui augmentent très peu. Les salaires ont augmenté en dessous de l'inflation, de 2% d'augmentation de salaire, 2,6% d'inflation, ce qui veut dire que les salariés, en réalité, en termes de pouvoir d'achat, s'appauvrissent. Donc c'est un vrai problème. On l'a dit, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires en hausse, mais comment expliquer que les hausses de rémunération soient si difficiles à obtenir ? En fait, c'est la logique actionnariale qui a été appliquée à l'entreprise depuis les années 80. Ça n'a pas toujours été comme ça, il faut le dire, parce que les gens ils pensent que ça a toujours été comme ça, ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, dans une entreprise, vous avez 3 parties prenantes. Vous avez les dirigeants, vous avez les actionnaires et les salariés. Et tout est fait aujourd'hui pour que les grands gagnants, ce soient les actionnaires. Alors, une fois qu'on a tout payé, une fois qu'on a payé les salaires, etc., il y a un profit qui se dégage. Et ce profit, la majorité de ce profit va aux actionnaires. Alors, il y a des années, on a 80% de ce profit qui va aux actionnaires. En général, c'est plutôt 60%. 60%, 30% pour l'investissement et 10% pour les salariés. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut vraiment comprendre qu'entre 50 et 70, les actionnaires récupéraient 35 à 45% des profits. Aujourd'hui, ils récupèrent les 2/3. Et c'est là-dessus que se jouent les augmentations. Quand voulez-vous augmenter des gens si vous avez des actionnaires qui récupèrent 2/3 des richesses ? Donc le vrai combat, c'est aujourd'hui de comprendre que les actionnaires peuvent récupérer une moins grande partie de ces profits pour qu'ils soient mieux distribués en augmentation de salaire ou en investissement. Donc, c'est-à-dire un investissement, c'est la vie de l'entreprise sur le long terme. Mais pour ça, il faut remettre en cause toute cette répartition entre ces 3 parties prenantes. Et ce qui a été malin pour les actionnaires dans les années 80, c'est que le dirigeant voit sa rémunération indexée sur ce qu'il donne aux actionnaires. Donc le but d'un dirigeant, ce n'est pas d'investir, ce n'est pas de faire que ses salariés soient contents de travailler, enfin, il n'y a pas que ça. C'est surtout le fait de donner la plus grosse part du profit aux actionnaires. Et donc, ça concentre une partie des emplois sur la valeur actionnariale, ça fait des techniques comme les rachats d'actions, etc., ce qui n'est pas forcément sur le long terme positif pour l'entreprise. Et du coup, c'est quoi les conséquences de ce type de fonctionnement pour les salariés, mais également pour l'entreprise, de manière générale ? C'est déjà un fonctionnement plus de court terme que de long terme. Parce que l'actionnaire, il veut en fait toucher son dividende tous les ans. Et parfois, vous avez des stratégies d'investissement qui se font, notamment dans la transition écologique, qui se font sur le long terme. Donc c'est une logique de court terme qui a gagné l'entreprise. Et puis aussi, c'est parfois des situations, comme on le voit, où vous avez un chiffre d'affaires qui augmente, des ventes qui augmentent, une situation qui est favorable à l'entreprise, parce que le roi Merlin a vécu finalement la crise sanitaire comme une opportunité, et en même temps, une espèce de modération sur les salaires, ce qui au final plombe la motivation, etc. Donc il est extrêmement important que ces profits soient mieux repartagés entre les 3 parties prenantes pour qu'il y ait de l'investissement, parce que l'investissement c'est l'avenir à long terme, et qu'il y ait des hausses de salaires qui permettent aux salariés de bien travailler. Vous savez, en économie, il y a le salaire d'efficience, c'est-à-dire l'effort que tu fournis en fonction de ton salaire. Si ton salaire est faible, tu n'es pas motivé. Si ton salaire est élevé, tu es beaucoup plus motivé. Donc il est important de mieux redistribuer, enfin de changer cette logique actionnariale qui n'a pas eu un effet, moi je pense, sur les dernières entreprises, positif. C'est ça qui a poussé les délocalisations, c'est ça qui a poussé la modération salariale, c'est ça qui a rendu les actionnaires de plus en plus exigeants, sans effet particulier sur la survie de long terme des entreprises. Donc il y a quand même pour 2022, un débat à avoir là-dessus. Et bizarrement, le débat n'existe pas sur ce thème-là. L'inflation était au cœur des revendications syndicales à Leroy Merlin. Ce phénomène est actuellement dans toutes les bouches, des salariés donc aux libéraux. En effet, les statistiques dévoilées par Eurostat montrent que l'inflation a atteint un niveau record du jamais vu en 20 ans dans les statistiques dans la zone euro. 4,9% en un an, ça dépasse les prévisions des analystes. En 2008, par exemple, année de crise, le taux était de 4,1%. Les prix à la consommation ont été propulsés notamment par la flambée du coût de l'énergie. Ce secteur devrait connaître le taux annuel le plus élevé en novembre, plus 27,4% comparé à 23,7% en octobre, selon Eurostat. Un domaine où la Banque Centrale Européenne ne peut pas vraiment agir. Il y a d'autres secteurs en hausse, les services, les biens industriels, l'alimentation, l'alcool ou encore le tabac. Thomas, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors c'est vrai que c'est le plus gros taux d'inflation qu'on a eu, je crois, des plus gros taux depuis la création de l'euro. Mais il faut quand même rappeler deux, trois éléments. C'est-à-dire que là, on nous parle on a toujours voulu avoir un taux d'inflation extrêmement faible, en dessous de 3%. C'est des choses qui ont été théorisées par un économiste qui était professeur au MIT, qui a été aussi économiste en chef du FMI, Stanley Fischer, qui a théorisé une inflation entre 1 et 3%. Mais dans les études, il y a beaucoup d'études contradictoires qui montrent qu'on peut supporter une inflation en dessous de 10% sans qu'il y ait d'effet réel sur la croissance. Donc moi, je pense que là, on veut nous faire peur, surtout que l'inflation de la zone euro est bien supérieure à l'inflation française, soit dit en passant. Donc moi, je pense qu'il faut surveiller ça, mais qu'il ne faut pas non plus se faire peur, parce qu'on se fait peur pour des raisons souvent économiques, on en parlera après. Mais là, pour le moment, il faut observer ça. Il y a une reprise économique, il y a une relance économique. On a parlé juste avant de la hausse des salaires, hein, mais si les salaires suivent les prix et ainsi de suite, est-ce qu'on ne rentre pas un peu dans une spirale dangereuse? C'est ce qu'on dit. Alors, c'est ce qui est vrai. C'est-à-dire que, en fait, l'inflation, c'est quoi? C'est une hausse des prix. Pour compenser la hausse des prix, on augmente les salaires, qui amène une autre hausse des prix, ainsi de suite. C'est une boucle difficile et qui peut amener après à des taux stratosphériques. On en est très loin, hein. On n'est pas aux 20 000% d'inflation de l'Argentine ou au prix qui doublait tous les 15 heures en Hongrie après la Seconde Guerre mondiale. Là, on est à 4%, donc il faut se calmer. Il y a déjà eu des taux d'inflation comme ça avec des pays qui s'en sont très bien sortis, hein. Ça a été le cas, par exemple, pour nous à l'après-guerre. Donc, il ne faut pas non plus trop s'affoler. Mais qu'est-ce qui ferait que cette boucle s'enchaîne? C'est ça qui est important. Voilà. On l'observe, mais qu'est-ce qui ferait que ça s'enchaîne? C'est quand l'économie est en surchauffe. L'économie, elle est en surchauffe quand vous avez, par exemple, le plein emploi. Vous avez le plein emploi, les salaires augmentent, l'économie peut être en surchauffe. Là, on est loin du plein emploi. On a 6 millions de chômeurs, un taux de sous-emploi très élevé. Donc moi, je ne vois pas autour de moi d'indications qui me disent que l'économie est... Alors, sur certains secteurs, les matières premières, mais de manière, on va dire, de court terme, vous avez la spéculation qui alimente la hausse des prix. La hausse des prix est alimentée en partie par les plans de relance, par des bonnes prévisions économiques. Mais là, on voit bien que déjà, c'est moins le cas avec ce qui se passe au niveau sanitaire. Mais quoi qu'il en soit, on est très très loin quand même d'une économie où il y aurait un plein emploi. Donc, cette hausse des salaires qui permettrait de contenir le pouvoir d'achat des gens pour qu'ils puissent supporter la hausse des prix, c'est pas ça qui va entraîner aujourd'hui cette espèce de boucle qui serait incontrôlable. Donc je pense qu'il faut observer ça sérieusement, mais il ne faut pas non plus stresser et agiter ces chiffons rouges pour dire que oulala, ça va être très grave et que donc il faut arrêter les plans de relance, parce que c'est ça la finalité. On parlait du taux européen. En France, le taux d'inflation sur un an, il est plutôt de 4%. C'est surtout en fait celui en Allemagne qui a fait un choc. Il est à 5,2% contre 4,5% en octobre. Les libéraux, du coup, s'inquiètent beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Mais en fait, l'inflation est liée au plan de relance, au soutien de l'activité. C'est pour ça que l'Allemagne, ça nous indique quelque chose, l'Allemagne a beaucoup plus soutenu son économie que la France. Et les Américains, qui ont un taux d'inflation aussi un peu plus élevé, ont beaucoup plus soutenu leur économie que nous. Et nous, là, ça nous indique qu'on l'a un peu moins soutenu. Donc ça, c'est une bonne indication. Mais moi, ce qui m'embête, c'est toujours la même chose. Vous savez, les libéraux, ils ont comme ça des épouvantails. Il y avait la dette à un moment. Alors la dette, on ne pouvait pas investir dans l'hôpital, on ne pouvait pas investir dans l'éducation, on ne pouvait pas investir dans la petite enfance, parce qu'il y avait la dette. On n'avait pas d'argent. On pouvait par contre baisser la fiscalité de 50 milliards depuis le début du quinquennat. Là, la dette, c'était plus un problème. Voilà. Vous voyez, les mesures qu'on nous propose là dans le futur, c'est pareil. C'est des mesures d'austérité très fortes sur l'état social, les aides sociales, l'assurance maladie, l'assurance chômage. Donc là, on nous a dit que c'est le chiffon de la dette. Maintenant, c'est le chiffon de l'inflation. Il ne faut pas trop relancer l'économie parce qu'il risque d'y avoir de l'inflation. Ça risque de s'envoler. Il ne faut pas confondre un peu d'inflation, qui en dessous de 10% n'est pas un problème. Même certaines études allaient jusqu'à 20%, 40%, vous voyez. On est loin de l'hyperinflation de l'Argentine. Il ne faut pas confondre inflation et hyperinflation. Il y a un certain nombre de conditions qui font passer de l'inflation à l'hyperinflation. Elles ne sont pas encore là en France. Donc, un petit peu d'inflation. Les salaires doivent se réajuster pour que le pouvoir d'achat soit préservé. Ce n'est pas un gros problème. Ceux qui l'agitent, en fait, c'est ceux qui veulent faire la promotion de l'austérité salariale. Il ne faut pas augmenter les salaires. Les prix augmentent, mais pas les salaires. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le contexte, mais ça risque d'être explosif. On se souvient des gilets jaunes. Et c'est, il faut arrêter le plan de relance, ça fait de l'inflation. Donc non, moi je dis qu'il faut observer, mais pour l'instant, il n'y a aucune condition qui montre qu'il faut s'inquiéter outre mesure. transition 2050, ce sont les scénarios de l'ADEME ou encore de l'Agence de la transition écologique pour atteindre la neutralité carbone. Ce rapport de 700 pages publié le 30 novembre présente 4 récits pour la France de 2050 en sortant de la solution uniquement énergétique et en présentant une vision plutôt sociétale. Les 4 scénarios donc sont 1. La génération frugale, le plus sobre, qui propose un changement des modes de vie en faveur donc de cette sobriété. La consommation de viande est divisée par 3. Il y a une forte réduction de la mobilité, plus d'un tiers des kilomètres parcourus par personne. Pas de nouveaux produits ou de nouvelles constructions. Une gouvernance locale, une démétropolisation. La nature est sanctuarisée. 2. Le scénario coopération territoriale va moins loin sur l'alimentation ou la mobilité, mais met l'accent sur l'économie du partage, avec par exemple une cohabitation plus développée et l'adaptation de la taille des logements aux ménages. Ce scénario mise aussi beaucoup sur la réindustrialisation. Il propose également une fiscalité environnementale. La préservation de la nature est ici inscrite dans le droit. Ensuite, les 2 autres scénarios prennent tout à fait l'autre sens. On préfère le développement des technologies et de l'innovation à la sobriété. Par exemple, dans le scénario 3, les technologies vertes, la nature a des services qu'il faut optimiser. Le consumérisme et la croissance verte sont privilégiés. On mise aussi sur la mobilité à développer davantage. Les échanges mondialisés sont maintenus avec des spécialisations quand même régionales. On veut décarboner grâce aux technologies. Le dernier scénario, le pari réparateur, la mondialisation, l'agriculture, la technologie, les constructions s'intensifient. Ici, la nature est une ressource à exploiter et on se fait totalement confiance pour réparer les dégâts causés à l'écosystème. Thomas, qu'est-ce que tu penses de ces 4 scénarios et le fait qu'ils ont fait 4 récits ? Donc déjà, je trouve que tu as très bien présenté tes scénarios. On voit que ça va de du scénario 1, la plus grande frugalité, à la technologie qui nous sauverait tous. Alors moi, ce que j'aime dans cette idée de scénario, de 4 scénarios, c'est qu'il faut comprendre, et c'est ce que j'ai toujours défendu en économie, c'est qu'en économie, il y a plusieurs avenirs, vous voyez ? Et je pense qu'en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il y a plusieurs avenirs possibles. On nous a souvent dit qu'en économie, il n'y avait pas d'alternative, c'est ce que disait Margaret Thatcher, Macron disait l'autre politique est un mirage. En réalité, c'est faux. Il y a plusieurs capitalismes, il y a plusieurs choix possibles d'avenir, et c'est pareil pour la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Moi, dans ces scénarios-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des scénarios qui sont basés plus sur, on va dire, un contrôle au niveau de la demande, donc de la consommation, et d'autres qui sont basés plus sur une offre qui nous permettrait de réparer à consommation constante les problèmes engendrés par notre mode de consommation et même de production. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces 4 scénarios et d'en discuter. Et je pense que c'est un débat qu'on devrait avoir, pareil, pour la présidentielle même, c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire. Mais on peut faire des scénarios assez mixtes, mais en tous les cas, ces scénarios devraient être débattus et discutés parce que là, c'est un enjeu majeur des 30 prochaines années. Et toi, Thomas, du coup, c'est quoi ton scénario préféré ? Moi, j'ai du mal avec les scénarios qui basent tout sur la technologie. La technologie, c'est un pari, comme on dit, un pari technologique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de technologie. Mais le problème avec les technologies, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au départ, on nous vend toujours des technologies comme étant des technologies sobres. Ça a été le cas avec Internet, qui devait être, la transition, elle devait être écologique et digitale. Voilà. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, Internet pollue énormément. Pollue même plus le digital, pollue même plus que l'aérien. Vous voyez ? Donc, ça pollue énormément. Et au début, on nous a fait croire que cette nouvelle technologie, elle était sobre. Voilà. Et c'est le problème des technologies. C'est-à-dire que la voiture, par exemple, la voiture électrique, on nous a fait croire au début que c'était parfaitement sobre. Alors en termes d'émissions en aval, c'est vrai qu'on y gagne, mais quand on prend l'ensemble de la production, c'est pas si sobre que ça. Donc la technologie est importante, mais elle ne résoudra pas tout. Il y a un moment, il va falloir quand même s'interroger sur la mondialisation, le mouvement des capitaux, la consommation à outrance, enfin, ainsi de suite, quoi, le mode de vie que l'on veut, la durée du travail, voilà. Il va y avoir quand même un vrai changement de mode de fonctionnement. On ne pourra pas vivre comme on a pensé qu'on allait vivre dans les années 90 avec la mondialisation heureuse et tout ça. Donc c'est un changement qui doit s'opérer sur les deux choses. Il doit y avoir de la technologie, c'est sûr, la technologie réparatrice, moi je suis un peu plus contre, c'est-à-dire j'ai du mal à y croire. Et puis il doit y avoir à un moment une interrogation qui soit presque philosophique sur notre mode de vie. Voilà. Donc il faut un mix entre les deux. Moi je serais plus quand même sur la frugalité parce que je trouve que là il y a un vrai problème pour une partie des gens, pas tous, mais pour une partie des gens sur cet excès de consommation. Et ce qui est embêtant sur le scénario de la frugalité, c'est quand même sur le bas de l'échelle, vous avez quand même beaucoup de gens qui ont des fins de mois difficiles, qui ont des salaires pas suffisants, etc. Et ça va être difficile de leur dire voilà, frugalité pour tous comme ça. Il va falloir quand même faire quelque chose d'un peu différencié.

mas nos acordaremos siempre de la pata de Juana y olé. Une petite revue de presse, Vosges Matin du jeudi 2 décembre 2021, par exemple. Épidémie de Covid-19, qu'attendre des traitements? Point d'interrogation. Les traitements progressent contre le Covid-19. On dit de nouveau le Covid-19, je croyais qu'il fallait dire absolument la Covid-19. Ah, bon, il y a eu du changement. Hein. Voilà, il y a du changement. Ils ne permettent pas de stopper l'épidémie, mais offrent un espoir pour réduire les formes graves. Avec une incertitude, leur efficacité risque d'être altérée par le nouveau variant Omicron. Ben, ils sont pas trompés d'une lettre, là, c'est Omicron, non? Non, c'est Omicron. Bon, Omicron. Omicron, c'est O, le O grec, hein. On aurait pu dire le variant O. Ben oui. Bon. A, B, C, D, O. Bon. Enfin, Golbet. Aucun Vitellois n'a choisi que Nestlé pompe tant alors que lui est en restriction d'eau. Alors ce mercredi soir, 2 décembre 2021, à Golbet, la députée insoumise, présidente de la commission d'enquête parlementaire sur l'eau, était présente à la projection débat du documentaire « ASEC, la grande soif des multinationales » diffusé sur Arte. Voilà. Ouais. La France insoumise était à Golbet. Pavatex va construire une usine à 70 millions d'euros à Chavlot. Présent à Golbet depuis 2013 où il produit des panneaux d'isolation en fibre de bois, Pavatex est en train de construire une seconde ligne de production qui lui a demandé d'investir 30 millions d'euros. Il y a déjà un troisième projet en cours, celui de construire une usine sur l'écoparc de Chavlot avec 50 emplois à la clé. C'est vachement bon à prendre 50 emplois, hein. Ah oui, pour ceux qui en profiteront, c'est drôlement bien. Bon, c'est dommage qu'il restera quand même 6 millions de chômeurs, hein. Oui, ben, il y en a 50 de moins quand même. Alors, tiens, des papiers trouvés ailleurs que dans le journal, sur Internet. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe. Il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « C'est lui ?» Vous croyez? Il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule. Et il est trop tard pour l'expulser. C'est signé de qui ça? Karl Marx, Georges Brassens, Léo Ferré, Coluche, Jean-Luc Mélenchon. Eh ben non, vous n'y êtes pas. Françoise Giroud. Eh oui. Maxime Combes. Sans doute est-ce le bon moment pour rappeler que seuls 8% des Français partent au ski au moins un an sur deux. Deux tiers des Français ne partent jamais en vacances l'hiver. 40% des cadres contre 9% des ouvriers partent en vacances l'hiver. Et on pourrait en dire autant des vacances d'été. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, plus de 40 ans, parce que il y en a qui ont commencé à travailler à 12 ans, hein, qui ont travaillé des métiers pénibles, mal payés, dangereux et tout, et qui ne sont jamais partis en vacances, jamais, n'ont jamais vu la mer. Alors les employeurs, c'est des salopards dans ce cas-là, hein. Eh oui, les gens qui ont vécu dans la misère toute leur vie, à cause, enfin, ouais, arrêtons les qualificatifs. Édouard Martin, l'homme en acier trompé. Oui, l'homme en acier trompé. Bon, c'était un syndicaliste, un CFDT, qui a défendu comme la sidérurgie. Voilà, bon, allez. No comment, comme on dit. Berlusconi, futur président. Ah, Silvio Berlusconi, ça c'est quelqu'un. Eh oui. C'est un homme, hein, vrai, ah, Berlusconi. Ah, ouais. Un mafieux, oui. Il y en a beaucoup en Italie, des mafieux. Et pas qu'en Italie, hein. Le chiffre, 2,9 milliards de personnes n'ont pas accès à Internet dans le monde. Selon l'Union international des télécommunications. Elles sont à 96% dans les pays en développement. Ben oui, pays en développement, qu'on a utilisé comme colonie pendant plus d'un siècle. Eh oui, on aura fait prendre un siècle de retard à tous ces pays-là. Alors, quel avenir pour la maison médicale des Abbesses? Alors ça, c'est à, eh oui, c'est à Remiremont, les Abbesses. Les Abbesses avec un A majuscule, c'est à Remiremont, bien sûr. Le départ prochain de 3 médecins sur les 5 occupants actuellement font craindre la fermeture de la maison médicale des Abbesses. Une conséquence qu'élus et médecins veulent à tout prix éviter en attirant des praticiens. Cet espace de santé pluriprofessionnel présente de nombreux avantages. Oui, mais Remiremont est en train de se dépeupler. Eh oui, la cité des Abbesses, ben, elle se dépeuple. Ben oui, puisqu'il y a de moins en moins de travail. Il y a de moins en moins de travailleurs, de moins en moins de locataires, de moins en moins de propriétaires, de moins en moins de contribuables, de moins en moins de clients. Et tout s'enchaîne. S'il y a moins de clients, il y a moins d'employeurs, il y a moins d'employés, il y a moins de clients, donc moins d'employeurs, moins d'employés, et tout se tient. Eh oui, les commerçants qui ont voté à droite pendant des générations, ben ils vont se ramasser dans la figure, ben oui, ce qu'ils ont semé, hein, ben oui. Et les commerçants allemands qui ont semé ce qu'il fallait, qui ont semé 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1933, eh ben ils ont récolté Adolf Hitler. Eh oui, et une guerre mondiale, et 10 millions de morts. Voilà. Ben oui. Bon, les électeurs ils comprennent tout, mais pas toujours, hein. Ah ben oui. Alors, les naissances et les décès de ces derniers jours dans le secteur de Remiremont. Alors, il y a eu 20 naissances, dont 3 de Remiremont et communes voisines. Les 17 autres sont venus de communes plus lointaines, hein. Voilà. Alors, il y a eu, originaire de Remiremont, ben, une naissance sur 6. Eh oui. Ben oui, les gens, ils hésitent à... Ben oui, il faut payer le loyer, on n'est pas sûr d'avoir un cours du travail, etc. Pourquoi mettre sur terre des futurs chômeurs, hein? Et bon, voilà. Hein, fabriquer des enfants, c'est fabriquer des chômeurs. Et oui. Alors, les décès, par contre, là, les choses vont mieux à Remiremont. Il y a eu 4 décès, dont 2 personnes qui habitaient à Remiremont. Voilà, donc 1 sur 2. Les scores sont pas les mêmes, hein. Pour le chômage, c'est 1 sur 6. Pour les naissances, pardon, 1 sur 6. Et pour les décès, c'est 1 sur 2. Voilà. Les rendements, bon, voilà. Une manifestation à Metz pour lever les brevets des vaccins. Eh oui. C'est déjà un scandale que ce soit une instance sur le commerce qui décide de la politique sanitaire face à la pandémie. Eh oui. Ben c'est comme ça, tout est commerce, tout peut s'acheter, tout peut se vendre. Et si ça se trouve, même les bulletins de vote, ça peut s'acheter et se vendre. Eh oui, tu cherches du travail, eh ben, promets que tu voteras pour moi, et moi, je te ferai avoir du travail. Et après, ben, évidemment, faudra pas être syndiqué, faudra pas... voilà, hein, eh oui, donnant, hein, c'est comme ça le commerce. Social, assurance chômage, les nouvelles mesures. Les droits des demandeurs d'emploi sont à présent conditionnés à des critères plus stricts, comme la nécessité d'avoir travaillé 6 mois au cours des 4 derniers mois, contre les 4 mois réglementaires demandés jusque-là. Cette condition s'applique aux personnes privées d'emploi dont le contrat de travail a pris fin à compter du 1er décembre 2021, etc., etc. Voilà. Le chômage. Eh bien, le chômage, il est responsable de situations parfois très très grave. Et je parlais tout à l'heure de l'Allemagne, des Allemands qui avaient voté pour les nazis en 1933, qui sont ramassés une guerre mondiale, qui sont allés semer la mort aux quatre coins de l'Europe pendant 4 ans, et puis qui ensuite ont vu la guerre arriver chez eux, des villes entières complètement rasées par les bombardements alliés, hein, et ben oui, tout ça pour un bulletin de vote. Tout ça à cause du chômage. Ah, le monde est quand même pas bien fait, hein. Faudrait peut-être qu'on pense à l'améliorer. Justice, le jugement des époux Fillon mis en délibéré. Ah, ça en prend du temps à juger les époux Fillon. Eh oui, imaginez un salarié de base, un smicard, qui commettrait le quart de la moitié du dixième de ce qu'ils ont commis, eh ben ils auraient été mis en prison dans les 5 minutes qui suivaient son arrestation. Eh oui. Là, non, ça fait 5 ans, ça fait des années que ça traîne. La cour d'appel de Paris a fixé mardi une date de délibérer au 9 mai 2022. 9 mai 2022, l'issue du procès en appel de l'ancien Premier ministre François Fillon, de son épouse et de son ex-suppléant Marc Joulot pour des soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon. Alors, est-ce que la date fixée pour le procès en question a quelque chose à voir, ou aurait quelque chose à voir, ou est-ce qu'on pourrait supposer, si on est de mauvaise foi, que cette date-là a quelque chose à voir avec la date des élections présidentielles, hein? Aucun rapport, bien entendu. La politique et la justice, ça n'a rien, rien, mais rien à voir. Congrès LR, le grand flou. Bon, c'était le grand flou. Ben maintenant, c'est plus le flou, ça y est, ils ont choisi leur candidate. Zemmour, officiellement candidat. Eh oui, eh ben, ma foi, hein. So, wie geht es dir? Moins de bénéficiaires au Resto du Cœur cette année. Épinal, Vosges matin du mercredi 1er décembre 2021. Moins de bénéficiaires. Alors, est-ce que vous pensez que le terme bénéficiaire est adapté à ce genre de phrase? Bénéficiaire. Les bénéficiaires des Restos du Cœur. Ouais, bénéficiaire, Restos du Cœur. À mon avis, ça va pas ensemble, mais bon. Hein, peut-être que je fais de la politique, si ça se trouve. Oui. Comme tous les électeurs, je fais de la politique. Alors, les électeurs, la plupart des électeurs, ils font de la politique pendant 5 minutes, le temps d'aller jusqu'au bureau de vote et de déposer le petit papier dans la boîte. Et puis après, ben c'est fini, ils ont fait le... Pour ceux qui n'aiment ni les huîtres, ni le foie gras, ni les prix chers. Alors ça, c'est une publicité pour un magasin qui prend une page complète de Vosges Matin. Une page complète. Combien ça coûte une page de publicité complète dans Vosges Matin? Ça nous coûtait quand même pas mal d'argent. Eh oui, c'est la direction du magasin qui paye. Dans un premier temps, c'est la direction du magasin qui fait le chèque. Mais en définitive, qui est-ce qui paye? Ben, les actionnaires, bien entendu. Non, pas les actionnaires. Eh ben, ce sont les clients. Eh oui, ce sont les clients. C'est nous qui payons toujours la publicité. Eh oui, la publicité pour nous persuader qu'il faut acheter telle et telle chose. Eh bien, c'est nous qui la payons. Ah, arroseur arrosé. Quel beau métier, quel beau pays. Appel au mécénat pour sauver les cloches à Plombières-les-Bains. Un audit du Beffroi révèle qu'il faut 100 000 euros pour sauver les cloches de l'église locale. Un appel à la générosité est lancé pour que Sophie, Joséphine, Thérèse et Marianne résonnent à nouveau. Eh oui. Mais quel est le problème des cloches? Alors on voit une cloche en photo là, et il y a des coulées d'oxydation dessus, des coulées qui partent du haut et qui vont vers le bas. Est-ce que ça serait pas du vert de gris? Le vert de gris, qu'est-ce que c'est? Ben c'est de l'oxyde de cuivre. Eh oui, quand il y a de l'humidité, il y a de la rouille. On a affaire à du fer ou de l'acier, un matériau ferreux. Quand on a un matériau cuivreux, on a affaire à du vert de gris. Voilà, vert de gris. Et oui, donc il y a eu de l'humidité qui a coulé sur les cloches, à Plombières. Bon, on a réparé le toit. Après 30 ans dans la coiffure, il rachète un tabac express à Remiremont. Eh oui, ben voilà, faut changer de... L'écrivain vosgien à succès, Jean-Paul Didier Laurent, est décédé. Il n'avait que 59 ans. Une dose de rappel. Accélérer la dose de rappel, lancer la vaccination des enfants, limiter les rassemblements festifs. Si l'on accepte la fermeture des discothèques, le gouvernement espère obtenir la 5e vague qui monte sans utiliser de mesures coercitives. Voilà. La plaquette forestière qui outil de développement durable. Bon, ça c'est juste le titre. L'AE, participation au capital des éoliennes, c'est non. Oui, les conseillers municipaux ont trouvé que, ainsi, c'est à l'unanimité que le conseil municipal s'est prononcé contre l'apport en capital du projet. Oui, parce que là, ce sont des sociétés privées qui créent des éoliennes, qui les mettent en place et qui encaissent les bénéfices, bien sûr, et qui partagent une petite partie de ces bénéfices avec les actionnaires locaux. Voilà. Bon, ben, si les éoliennes étaient montées directement par les communes à leurs frais et qu'elles encaissent la totalité des bénéfices, peut-être qu'il y a plus de communes qui seraient d'accord pour mettre des éoliennes sur leur territoire. Eh ben oui, fournir de l'électricité moins chère aux habitants de la commune, leur permettre d'encaisser un petit peu de bénéfices, de payer moins d'impôts locaux, voilà, et puis de participer à la décarbonation ou décarbonatation de l'atmosphère, voilà des choses qui pourraient se faire, mais bon, il faut que ça soit plus évident. Deux cardiologues étrangers sous le coup d'une expulsion. C'est où ça? Bien, c'est à Remiremont. Les hôpitaux d'Épinal et de Remiremont sont en émoi. Deux cardiologues étrangers effectuant leur internat depuis 4 ans sur les deux établissements sont sous le coup d'une expulsion du territoire pour de simples blocages administratifs, selon leurs collègues. L'un d'eux a même été interdit de pratiquer. Nous sommes dans l'incompréhension totale. Le docteur Cathy Didier Petit, médecin-chef du service de cardiologie des hôpitaux d'Épinal et de Remiremont, a décidé de tirer la sonnette d'alarme face à une menace terrible et injuste. Terrible et injuste. Vous croyez que ça peut exister, ça, sur le territoire des Vosges? Des choses terribles et injustes? Allons, pas avec les élus qu'on a quand même. Hein? Mais non, c'est le journal qui dit des choses qui sont pas vraies. Ah, ils exagèrent, sûrement. Hein? Qu'en pensez-vous? Les géants de l'armement épargnés par la crise. Les géants mondiaux de l'armement ont été largement épargnés l'an passé par les effets de la crise économique provoquée par le Covid-19 avec un nouveau record de leur vente pour la 6e année consécutive. Tiens, la crise économique d'un côté, le chômage et la misère qui augmentent aussi, et à côté de ça, l'armement, l'industrie de l'armement qui devient de plus en plus prospère. Les actionnaires des industries de l'armement sont de plus en plus riches. Les copains de Monsieur Zemmour, hein, Dassault et d'autres, sont en train de s'enrichir. La jeune Birmane tente d'effacer Aung San Suu Kyi. Icône déchue de l'opposition militaire, l'ancienne prix Nobel de la paix, a été condamnée lundi à 2 ans de prison. La communauté internationale s'insurge. Mais la répression violente de la junte militaire birmane au pouvoir depuis son coup d'état du 1er février ne faiblit pas. Alors, ça ne vous inquiète pas pour notre avenir. Hein, parce que quand ça va mal ailleurs dans le monde, la maladie peut se propager jusque chez nous. Hein, c'est ce qui s'est produit avec le Covid, qui est devenu la Covid, puis qui est redevenu le Covid. Ah ben oui, on est bien informé, on est bien gouverné. Le centre de la commune paralysé par une fuite de gaz, Saint-Nabord. Bon, les conduites commençaient un peu anciennes, et oui, et puis il y a beaucoup de choses qui ont été privatisées, et alors, voilà, on va faire une belle facture qu'on fera payer aux usagers. Et alors, autre chose, à ceux qui s'étonnent du tweet de Mélenchon, forcément limité en termes de caractère, concernant la nomination de Mario Vargas Llosa à l'Académie française, voilà quelques explications supplémentaires qui prouvent la colère et l'étonnement suite à cette nomination. Cet écrivain n'a effectivement jamais écrit un livre en français. Mais ce n'est pas tout. Soutien de Piñera au Chili, soutien de Guaido au Venezuela et soutien à l'incarcération par un juge d'extrême droite au Brésil. De plus, l'Académie française vient donc de recruter un évadé fiscal qui apparaît dans les Panama Papers et les Pandora Papers. Un type qui va jusqu'à justifier sa fraude et donc la reconnaît. Les membres de l'oligarchie se reconnaissent entre eux, et c'est vraiment tous les gages donnés à l'oligarchie, les uns après les autres. Alors, à partir de maintenant, on va faire très attention quand on va voter. On va pas voter pour n'importe qui. Eh bien, non. On va être de plus en plus prisants, nous autres, les électeurs. Eh oui. Parce que en votant mal, on provoque du chômage, on provoque de la misère, de différentes façons, de toutes les façons possibles et imaginables. Vous vous rendez compte, nous autres, les électeurs, quelle responsabilité on a. Mais on est responsable de tout, les électeurs. Oui, les électeurs allemands étaient responsables de l'arrivée de Hitler au pouvoir et responsables de la survenue de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait ses millions de morts. Et nous, on est responsables de la situation actuelle, de la misère qui est fabriquée un peu partout dans le monde, pas qu'en France.